100% rap français. C'est parti pour la nocturne juste après Difool et quel plaisir. Quel plaisir de les recevoir. Le ministère Hammer est de retour dans la nocturne. Salut Fred. Ça va bien, Passy, Stomy. On est là. Et cette heure-ci, Stomy, tu te rappelles pas où est-ce que ça ou pas par hasard? Ouais, mais là, putain, là, tu me plonges dans les dossiers d'entrée de jeu? Dans des nuits, mon frère, dans des aventures, des grands moments ici. Magique. Non, mais vraiment, ça fait plaisir de vous retrouver vraiment, sincèrement. En plus, ensemble, pour le concert qui aura lieu lundi, on est grosso modo à 48 heures, allez, un peu plus du concert, qui aura lieu à l'Olympia. On va aussi expliquer parce qu'il y a plein de gens, forcément, qui, ont entendu parler de Minister Hammer, mais qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe? Qui sait? Est-ce qu'on peut revenir, je sais pas, à la fin des années 80, début des années 90? Minister Hammer, c'est quoi l'histoire du Minister? Minister Hammer, c'est, la mouvance hip-hop de Sarcelles, du 9-5, la base. Donc on a, nous à 12, 13 ans, on a pris le hip-hop en pleine gueule, le smurf, le break, le graph. Donc Sarcelles, c'était la capitale des lascars quand même. Parce que, il y a quoi à l'époque? Il y a juste de la danse, il y a Sydney à la télé, il y a... Annie Cordy à la télé. Il y a rien. C'est un désert. Il y a une qui arrive qui s'appelle HIPHOP. Donc nous tous on kiffe ça, on dit ouais c'est ça qu'on veut, c'est ce qu'on... Et donc on rentre dans cette mouvance hip-hop. Et après on commence à breaker, tourner sur la tête. Et après on entend, parce qu'on parle souvent des pionniers, les premiers pionniers, AM, NTM, etc. Non. Après on entend les vrais pionniers du hip-hop. Donc on entend des... Johnny Go, Destroy Man, Chic, Lionel D, Dynasty. Voilà, qui commence à animer des émissions à droite, à gauche et tout. Dès qu'on entend ce rap français là, on dit non, on va pas que faire du break, on va se mettre à rapper. Donc on prend le micro. Et puis après, voilà, ça a commencé, on a fait des radios à droite, à gauche. Dès qu'on prend le micro, on fait un petit, on a un groupe, il y a Moda avec nous, Stomy, moi, bien sûr, Ahmed Day, Gary X, il y a DJ Desh, DJ Getch, il y a Boubou, les Kenzie qui sont là aussi. On est une sorte de, voilà, on se regroupe à... Et il y a quand même un côté aussi vachement, voilà, c'est vrai que dans les années 80, on sort aussi, de ce côté Black Panther, machin, etc. Donc, très militant. Il y a un côté militant qui est peut-être pas d'ailleurs sur NT, mais à IAM à l'époque. Voilà, donc c'est un côté, on vient, c'est le ministère Hammer, c'est beaucoup plus engagé. On est engagé aussi sur le côté, on est pendant l'apartheid bien sûr, donc bien sûr, ce qui se passe en Afrique du Sud, ce qui se passe même en France, parce qu'on n'est pas loin de la période SES racisme aussi. On commence à militer. Ministère Hammer est un groupe qui rentre dedans, un groupe qui dérange politiquement. Et puis il y aura aussi forcément des procès par la suite. Il y aura un morceau qui s'appelle Brigitte, femme 2, etc. Voilà, c'est des histoires d'amour. Que de l'amour, beaucoup d'amour également. Voilà, Brigitte. Et puis après, dans les années 90, un gros carton avec ce qu'on a appelé l'époque Sector A. Peut-être qu'on y reviendra également, mais c'est vrai que ce soit tes albums Stomy ou Passy, Gynéco évidemment. Enfin voilà, il y a tout un engouement à l'époque 98-99 autour du Sector A. Voilà, donc t'as cité Stomy, Gynéco, moi. Il y avait aussi Neg Marron, bien sûr. Arsenic, Pete Bacardi. Donc tous ceux-là sont avec nous à l'Olympia lundi. Un petit big up à Pete qui est arrivé de Douala spécialement parce que j'allais y venir. En effet, lundi c'est une date importante, c'est le retour. C'est quoi, en fait, c'est quoi l'idée? Pourquoi un moment vous dites de l'album du... C'est quoi, il faut marquer le coup, il faut... Tu sais Fred, il y a plein de gens, le premier album du ministère Hammer, Pourquoi tant de haine, il a eu 20 ans il y a quelques années. On n'a ni fêté les 5 ans, ni les 10 ans, ni les 15 ans, ni les 20 ans. Et là il y a plein de supporters à nous, plein de gens de nos familles. Ils nous ont demandé, non, là, faut fêter l'album 95-200. Parce que 95-200, il est considéré comme un des meilleurs albums de rap français. C'est pas moi qui le dis, c'est les professionnels du rap français. Exact. Et donc, voilà, il fallait qu'on fête ça au moins pour les supporters du Ministère Hammer. Et étant donné qu'on a fait très très peu de concerts avec Ministère Hammer, peut-être qu'on en a fait même pas 10. On a même pas fait peut-être 10 concerts. Ah oui, c'est tout, 10 concerts en fait, à l'époque. Ouais. À l'époque, c'est vrai, il faut aussi rappeler que le contexte de l'époque, quand on faisait du rap, on n'avait pas accès à des salles, enfin c'était très compliqué. Très compliqué. Il n'y avait pas internet évidemment, enfin voilà, c'était super complexe. Ouais. Et en plus avec le message du ministère Hammer, la révolution noire, la révolte, on décriait des choses qui se passaient vraiment dans les... Si tu veux, ministère Hammer, même si nos confrères ont été très bons à l'époque, la différence entre nous et les autres groupes de l'époque, c'est que nous on faisait vraiment du rap à la bonne franquette, vraiment du rap vraiment de cité parisienne et française, tu vois, et donc avec tout ce qu'il y a de bien et tout ce qu'il y a de mal. Donc et pour faire des concerts de rap français, il faut l'autorisation du préfet de police. C'est vrai. Et quand c'était ministère amer, bah impossible. Donc voilà, donc fallait qu'on fête ça dignement comme la prescription maintenant. Ouais. Le préfet va assigner. Et il y a Getch qui nous a rejoint, Getch l'homme de main, le DJ emblématique du ministère amer, le concepteur musical, il est là aussi. Bienvenue. Avec nous. Bienvenue. Merci. Ça va? Ouais, ça va bien, ça va. Bon, vous êtes, d'ailleurs, tu seras sur scène aussi avec eux, hein, lundi soir, à Palouper, ouais. Olympia. Forcément. J'ai vu Lordi ça cette semaine qui m'a dit, ouais, je serai là aussi, bien machin. Sûr. Donc, il y a aussi la transmission de génération, etc. Au sein de aussi DJ. Sur scène avec il nous, sera avec ce sera le marron. Voilà. Ouais, un petit big up à Lordisa qui sera là aussi. Voilà. Et il y a Frédéric Bride qui est là. Bouboule qui est aussi du ministère amer depuis tout le temps. Voilà. Donc bon, est-ce qu'on attaque avec un inédit du ministère amer? Voilà, il est extrait des meilleurs dossiers qu'on peut trouver dans les bacs. Ah. Ouais, le best ou en off, téléchargement légal. Ouais, c'est la première fois que tu trouveras au moins. Tu sais, il y a des titres qui sont réunis là-dedans. C'est la première fois que tu trouveras Sacrifice de poulet avec Brigitte. C'est la première fois que tous les titres, même scandaleux de ministère les amer. Les rats aiment l'Alaska. Voilà, on s'est fait une bonne sélection. C'est 20 titres pour les 20 ans. Et bon, balance. On y va. Vous êtes prêts pour la nocturne, les gars? C'est ou pas parti, Skyrock. Hey, on est dans la maison, c'est ministère AMER, lundi à l'Olympia. Est-ce que vous êtes froid? L'avenir est à nous, si nous sommes tous soudés. Nord, sud, est, ouest. On est d'accord. Sierra, Sierra, India. Tous les Reebok d'IA, assis face aux médias. La vérité, la vraie, n'est pas sur Wikipédia. Piment dans une toche, te le dis, c'est cardiaque. Ici Sierra, Tango, Oscar, Mike, Yankee. Je vends les couilles et des douilles, j'ai toujours mes Yankees. Rien au paradis, encore moins en enfer. Tout se passe ici, sur cette putain de planète Terre. Combien dans nos flancs, nos crottes, combien si les barreaux, on friait Lascar sur carreau, combien on laissait tarons dans les tranchées, dead au bled KO, les mêmes qui te slash te font le garrot, étranger. Ce soir pas de guerre, pas de clash, on arrive en force et en main. Combien on est dans les quatre coins du globe, on débarque, hey. On est inarrêtable. Secteur 1-1-1, Abdoulaye, Garcha, Saint-Villiers-le-Bel, 9-5. 9-5, 9-5. Nous nous sommes lâchés pour nos petits quartiers. Mais tout le pays et toutes les rues sont à nous de droit. On est d'accord. La dictature c'est ferme ta gueule. La démocratie cause toujours tic-tac. C'est le compte à bourre. Tout caillasse c'est bang-bang. Ça mitraille bang-bang. Dans le quartier c'est le Darfour. Du ventre du temps est né une génération déracinée. L'esprit calciné, fan d'un bal après au ciné. C'est le visage des fées dans un miroir brouillé. Douillé, couillé, souillé, on aime trop s'embrouiller. Les corbeaux dansent à l'abus du corbillard. Y'a qu'un faux pas, une poucave entre la rue et le placard. Trop de poignées de main sont des coups de poignard. On fait tourner le calumet et ça finit en pétard. 1, 2, 3, 6, microphone 1, 2, caisse claire, mes idées noircies. C'est perquise, plein de bleu, les incises. Tape mur, bavure et meute, plein de feu. Crain 6, nerveux au 36, 9 mètres carrés, 5 chiffres, matricule, maison d'arrêt. Borse. 99 contre 1, fait le calcul. Plein de pareil, on ferait pas un deal, les avis divergent. J'ai tout pété, j'attends toujours mes 70 vierges. Ce soir, pas de guerre, pas de clash. On arrive en force et en main. Combien on est dans les quatre coins du globe, on débarque. On est une arène arrêtable. Combien on est nord, sud, est, ouest. Ensemble, on le classe en père. Combien on est nord, sud, est, ouest. Ensemble, on le classe en père. Combien on est ensemble, on ne craint son père. Le ministère est prêt. Recevez 5 sur 5. Objectif en vue. Attendez. Le ministère mène enquête, une seule chose en tête, anéantir les traites, accumulateur des dettes, des pays d'Afrique, trou du cul politique, ennemi de la démocratie, dictateur, proche aussi, sans souci du pays. Voici mes ennemis, tu tolères que ton peuple se terre dans la misère, récupère les biens monétaires pour te satisfaire. Ah, ta mère. Vulgaire est le caractère de mon ministère, j'espère être clair. Les traîtres en enfer, président, dirigeant, un gouvernement, marchand de la mort, chaque jour un noir, tu un noir, je monte sur quelle cause. Je contrôle aujourd'hui et demande une pause, pause. Regardez la vérité en face, et tu verras plus tard que tu n'as pas de place dans cette société qui a banni nos ancêtres. En attendant, je dis trahison au sein de notre population, être ou n'être traître est une malédiction. Trahison au sein de notre population, être ou n'être traître est une malédiction. Émigré qu'un pète, conteste le concept, c'est mec qui s'appelle, c'est ta pète, mais t'en fais, j'appelle traître quand j'entends dans le mouvement. Depuis bien longtemps, moi c'est sa mère que je prends comme ses chiens sans laisse, qu'on dresse pour empêcher de rentrer, de danser, m'éclater, dès qu'elle leur fait périmer. Le temps d'une soirée, mec, ta coupe me fait rire, encore ce n'est pas le pire. Tu revendiques l'Amérique, les origines d'Afrique, ta mère t'appelle Mamadou, tu prends le nom de Andrew, encore ce n'est pas le pire. Le pire est de trahir, arrêter de me sourire, de m'applaudir pour m'endormir ou pour me refroidir. Plus fort, Tommy, on est là pour te couvrir. Je sais, mais ils amortent le divorce, leur face m'agace, ils s'amènent avec une gondasse et veulent une délicace. Mon nom n'est pas Boniface, quoi que je dise, nuise, produise, divise pour mettre dans la mouise. En guise de quoi? En guise de traîtrise. Trahison au sein de notre population, être ou n'être traître est une malédiction. Trahison au sein de notre population, 1991. Vas-y, passe-y, balance la troisième version. A chaque euro, je prends le contrôle, le monopole. Tu fais de moi l'idole dans l'école du musical. Je chasse sur classe une nouvelle race de guignol. On a voulu traître. Un flic bronzé t'arrête, couvre l'identité. Pas de pitié, t'es qu'un immigré. Un qui est noir le soir rencontre un autre noir, que se raconte-t-il? Dispute sur le pouvoir. C'est le super-héros qui nous tire dans le dos, mais pour leur justice, t'es qu'un con de négro qui rend service à ses lois où l'argent est roi. Comme tu ne connais pas, t'en as pas, stop les dégâts, t'es un charlatan. Fred, Freddy Bois. Jette ta grand-mère, tes cerbères qui t'ont dressé pour me faire taire. Je lutte, me dispute contre toi, l'espèce de pute, la brute, butée, mutée dans le camp adverse qui laisse, délaisse sa race maîtresse. Pour mon espèce, je fais des prouesses. Fonce les fesses de ces flics, maigres et négresses. Quoi qu'ils puissent être ou paraître, ils ont casse le mène, ce sont tous des traîtres. Trahison au sein de notre population, être ou n'être traître est une malédiction. Trahison au sein de notre population, être ou n'être traître est une malédiction. Ministère A-M-E-R. Ministère A-M-E-R. Secte. Ah, tout là. Tout ça, c'est lundi soir à l'Olympia. Français, planète, la nocturne. Hé, hey, prise d'assaut. Secteur A, ministère AMER. La nocturne, sky de... Live, résurrection, le hip-hop a une érection. Je veux tuer le temps, mais le temps veut ma peau. On se comprend entre criminels, on se tire le chapeau. 5 litres de sang dans le corps pour graver l'histoire. Mec les poings sur les as, c'est ta queue qui rate sur le trottoir. Bavard en bastos, muet à l'interrogatoire. On crepuscule, encule jusqu'à la cervelle. J't'ai lobotomisé le rabais car j'harcèle. Cherche la vibe dans ma torse. J'suis dopé, j'mets un paradoxe, un calibre avec un message de paix. La voix est libre, j'vise et shoot avant que les anges m'accueillent. Les salopes surfent sur la vade avec une plante de cercueil. En crâneur avec une bouteille, l'essence à chiffon. Pardonne-leur, seigneur, ils savent pas ce qu'ils font. Moi j'donne l'heure, du fond de la bonne herbe, du son qui traumatise. C'est comme la roulette russe avec un automatique, c'est dead. Je n'ai pas, non, pas de limite, mon département c'est l'élite. 9-5 gangsta, on a le seum, que les ouf, mais c'est même pas test. Et vite, fait, quand ça clic, sur mon terre-terre, c'est la zone interdite. Tu fais le con, boum, ça explose, comme du sec, un bonhomme, c'est de la dynamique. Ouais, mon département arrive en boule, dès c'est un événement. Trop crash, trop vulgaire dans nos propos, trop d'adénaline dans le comportement. Flow aiguisé, je vais t'aviser, viser. On n'a pas le temps de dire si tu vises, pas serre les dents, pas mort. On baisse le buzz, toujours en piste. Disque. C'est mort pour nous, c'est le Christ qui va nous mettre sous terre dans ce bis du disque. Il risque d'y avoir des plaques de sang, la rue s'attriste. Alors on pisse le apis sur les langues de pute, hip hop résistant. Kamikaze, j'en sors de l'Afghanistan. Avec le traître au dreadlocks, on a mis la distance. Assiste à la reconquête de l'Empire, le chemin est glissant. La liste des victimes s'allonge, mec, on reste puissant. On reste passe depuis. Je n'ai pas, non, pas de limite. Mon département, c'est l'élite. 9-5 gangsta, on a le somme que les ouf, mais c'est même pas test. Mais vite, vite, vite, vite, fait, ça va clic, clic sur mon terre-terre, c'est la zone interdite. Tu fais le compte, boum, ça explose. Comme du sec, bonhomme, c'est de la dynamique. Ouais, ouais, mon département arrive en boule, dès c'est un événement. Trop crash, trop vulgaire dans nos propos, trop d'adrénaline dans le comportement. Flow aiguisé, aiguisé, je vois que t'as visé, visé. On n'a pas le temps de si tu vises pas, serre les dents, tu vas morfler. Et gif dans ta tête, gros, pour tout faire sauter, mec, ma sec 30, sec, mec, personne peut stopper. C'est à elle que tu t'as, ceux qui votent. Quand ça pèse l'étal bleu, toujours OP. Basket blanche, brut, coupe, coupe, fly, jaquette. Traverse pas ma zone, MC ou en traquette. C'est chaud, chaud. Un yo-yo pour les frères au cachot. À Poula et à la mort, c'est de la pointe. Délimiter le périmètre de sécurité. Des taux d'étonation verbale. J'ai la bouche dynamitée. Avec un des débits directs, eux ont le débit différé. T'inquiète, ici ça kick, ça fait caille. Sont des déterminés. Hey, laisse passer mon GANG. Au micro, j'ai la haine qui ressent le danger. La donne va changer, les MC vont manger. Le hip-hop, on vient venger. Ça, des fourrailles. Sur le beat, c'est Abdoulaye. Sorti tout droit des ténèbres pour bénir la racaille. Barbare propos, je viens me faire pépon. Trop sale, trop tôt. La barre pour Kekro. Trop rap, trop fort. Trop squale, trop gorge, un don d'Abdoulaye. La calage dans le cerveau, kamikaze, on débarque. Et les balles parlent, c'est le bal des claques pour les balles. Tringue le bal, trappe, c'est le bantou, ça m'achète. Ta bande qui bataille, un pack de chiens entre poteaux. On baisse le bis, plein de bâtards. Je n'ai pas, non, pas de limite, mon département c'est l'élite. 9-5 gangsta, on a le somme que les ouf, mais c'est même pas test. Et vite, vite, vite, vite, fait, ça clique, clique sur mon terre-terre. C'est la zone interdite, tu fais le pont, boum, ça explose. Comme du C4, bonhomme, c'est de la dynamique. Ouais, ouais. Mon département arrive en boule, dès c'est un événement. Trop crash, trop vulgaire dans nos propos, trop d'adrénaline dans le comportement. Le 22 septembre à l'Olympia. Je l'ai guisé, guisé, je vois que t'as visé, visé. On n'a pas le temps de jouer, si tu biches pas, serre les dents, tu vas mort. Je n'ai pas, non, pas de limite, mon département c'est l'élite. 9-5 gangsta, on a le somme que des ouf, mais c'est même pas test. Et vite, vite, vite, vite, fait, ça clic, clic sur mon terre-terre. C'est la zone interdite, tu veux le con, boum, ça explose. Comme du C4, bonhomme, c'est de la dynamique. Ouais, ouais. Mon département arrive en boule, dès c'est un événement. Trop crash, trop vulgaire dans nos propos, trop d'adrénaline dans le comportement. Flow aiguisé, guisé. Je vois que t'as visé, visé. On n'a pas le temps de jouer, si tu biches pas, serre les dents, tu vas morfler. Ministère Amer, secteur A. C'est au contrôle de la nocturne, ça fait vraiment plaisir de retrouver Passy, Stomy, ils sont là avec nous pendant allez, une grosse heure sur Skyrock, avec toujours un album qui est dispo, hein, c'est ça, les meilleurs dossiers, on peut le trouver. Ouais, ça y est, il est sorti, là, ça y est, il est sorti. La semaine de début de semaine. Là, début pour de ceux qui veulent découvrir peut-être l'univers de Ministère. Voilà, Amère. Voilà, c'est vrai que le rap a beaucoup évolué. Ah oui. Et même nous, en répétant, quand on refait les morceaux, on était en train d'en kicker, on a toute la semaine, on a taffé des titres et tout pour le concert et tout. On s'est dit putain, c'est des raps, il y a des raps qui font 5 minutes, il y a des couplets qui font 24 mesures, d'autres 12, d'autres 16, d'autres 18, il n'y a pas de structure. C'était vraiment une époque où c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de formatage dans la musique urbaine. Quel regard vous avez d'ailleurs sur le rap actuel aujourd'hui en 2014? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous déplaît? Est-ce que vous reconnaissez? Ouais, il y a des jeunes, ils sont bons. Ouais, toute la nouvelle génération. C'est très, très bien. On est assez fiers de la nouvelle génération. Ils continuent à porter le flambeau. Voilà. C'est pas aussi militant qu'à notre époque, c'est normal. Les choses ont changé. En même temps, bah après, il y a tout justement. Ils vont pas faire, ils vont pas faire le rap qu'on a déjà fait. Donc on est assez fiers de la nouvelle génération. Non, et il faut se rappeler aussi, parce que je crois que les toutes premières images qui existent de Ministère Amer, c'est justement avec Olivier Cachin, qu'on salue, sur Rapline, qui avait tourné d'ailleurs des images extraordinaires. qui était assez incroyable, où on voyait voilà une équipe massive à l'époque. Je pense qu'elles sont dispo sur le net, hein, pour ceux qui veulent cliquer. Gare Charcel et Gare Charcel. Taper le clip de traite. Et c'est vrai que maintenant, quand on regarde des clips sur le net, on voit toujours des équipes massives dans les cités, dans les quartiers, justement. Donc on fait partie. Tu veux dire que c'est à cause de nous, c'est ça? Non, mais quel regard vous avez par rapport à ça? Est-ce que justement, voilà, c'est toujours important de représenter le quartier? Et dans quel état d'esprit vous étiez à l'époque, justement? Est-ce qu'il y avait un côté, justement, il faut représenter le quartier? Parce qu'à l'époque, il faut rappeler qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Tu vois, c'est comme un Corse ou un Breton. Partout où il va amener son drapeau avec lui. Et ben, les mecs de Gare Charcel, ça a toujours été ça. Partout où on va, c'était le village d'Astérix et Obélix. C'est le village que personne qui résiste. Donc, on a toujours milité pour notre ville et pour le 9-5 et en même temps c'est dans le patrimoine. Ça veut dire que avec Passy, il a continué avec Bissona Bisso à militer pour ses origines congolaises. Moi j'ai milité avec la MC Malcriado, avec mes origines capverdiennes. Et quand tu viens de Sarcelles, tu milites aussi pour ta ville. Et je pense que maintenant tous les départements le font aussi. C'est une bonne chose. Bon, on est en tout cas ce soir la nocturne spéciale avec le Ministère Amer lundi soir à l'Olympia. Loupez pas, je crois qu'il reste. Toi t'es d'où, Fred? La Les origines. La Courneuve. La Courneuve, ouais. Ok, 9-3. Mais avant ça. Ah, italienne. Ah, voilà, Italie. Le grand-père était italien. C'est parce que dans Ministère Amère, il y a acte 1. Tu sais d'où tu viens. Acte 2. Tu sais qui t'en veut. Acte 3. T'en veut. Tu connais tes droits. Voilà. Et Ministère Hammer, donc loupez pas, c'est lundi soir pour ceux qui sont sur Paris, c'est à l'Olympia. Date mythique parce que moi je me souviens qu'il y avait eu aussi à l'époque de Secteur 1, il y avait eu deux Olympias mythiques. Voilà. Au mois de mai. Ouais, le 22 mai. 22 mai, et 22 et 23 mai, ouais, 22 et 23 mai. Vous avez un souvenir de cette époque ou pas? Ouais, c'était mortel. C'était une bonne, en tout cas, c'était une bonne date. C'était pour, sous-entend que t'as Alzheimer, là. C'était pour l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. À 9-9-8, voilà. Pour la date, ouais. Donc, c'était pour l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et à cette époque, on était très révoltés parce qu'il y avait, il y avait rien. Il y avait rien du tout. Il y avait aucune commémoration. Et voilà. Donc, fallait qu'on marque le coup, vu le passé colonial de l'histoire de France. De la France. Et voilà. Et ben on continue avec les sons du ministère ou pas? Vas-y, là je vais te faire découvrir une compilation. On y va, c'est quoi, 95? 95 Val d'Oistuc, ça va arriver bientôt. C'est un truc que tu prépares, pas si d'ailleurs. Ouais, c'est toute la nouvelle génération du 95 de rappeurs épaulés par aussi bien des Jackie, Benji, Calbo, Tequila, Papillon, moi. Donc voilà, on va faire découvrir un petit peu. On y va? Ce qui se fait dans 9-5. Équipe qui? Yeah! Une spéciale RMA 2N. Oh! Qui produit avec moi. Un big up à Papillon, Boynton Fly. Et tout le 9-5. 95 Val d'Oistuc. 9-5 Val d'Oistuc, yeah. Volume 2. ZK-Tux. Scardini. Oh. Zef. Molocos. Brazaboy. Yeah. Bassi. Yeah. Si le rap va mal, j'ai un putain de remède. Le 95 revient pas besoin de vous prêter. Jour et nuit, on charbonne pour que le 9-5 se lève. Qui réglera le problème. L'espérons va s'en charger. L'espérons les charger. L'espérons va s'en charger. L'espérons les charger. 9-5, 3-9-5. C'est le Val-d'Oise. 9-5, 3-9-5. C'est le Val-d'Oise. Black Reban, drogue afghane. Bien dans le bec, baisse toutes les putes, qu'elles soient afghanes ou ouzbeks. Le mental se désordonne, personne nous subordonne. Nix que l'état donne, Bibi la méthadone. 9-5, les paranos sages, on le baisse ta mère. Innocent comme Delano Cash, une peine amère. L'ADN est dans le cendrier. J'aimerais la France le jour où je vois ma bite dans le calendrier. Sans moi, 5 gang, violence éternelle. Jules Fou, tu vas te faire mêler. Dieu MC veulent s'en mêler. Authentique, va tous les baiser. Y'a pas de vache, y'a que du vrai. 9-5 en force, y'a pas plus frais. J'suis la réincarnation des abysses, donc repose en paix. ZK-Tug, qui est moi, connaisse gang dans le circuit. Pas de chez nous, t'es notre ennemi. Rafale dans ta race, mon ami. Gare Charcel, ville Le Pen, secteur A, ministère amer. On va laisser. Saigné comme en 94, Val d'Oistuc. Si le rap va mal, j'ai un putain de remède. Le 95 revient, pas besoin de vous prêter. Jour et nuit, on charbonne pour que le 9-5 se lève. Y'a que les vrais qui savent qui réglera le problème. L'espérons va s'en charger. L'espérons les charger. L'espérons va s'en charger. L'espérons les charger. 9-5, 3-9-5. C'est le Val d'Oise, 9-5, 3-9-5. Trop longtemps qu'on nous sous-estime. On vient marquer la scène du crime. On vient marquer ce putain de Nesby qui peut rappeler Kenzie. La relève est prête, on fuck que les traîtres. 9-5 dans la tête, approche-toi qu'on te raquette. Je ne marche qu'avec les vrais, mes refrains et Goldaya. Cette compulsée du lourd, on l'aimait bien, on l'aimait pas. Y'a pas leur dire que le king is fucking back. Rebeu black, blanc, chinois, prennent des fucking claques. BS Music. Avoir des millions ne t'empêchera pas de te faire fumer. Demande à Stringer Bell. Mes négros sont déter, plus le temps pour les têtes à tête. On te rafale comme dans Splinter Cell. Mes ennemis, je vais baisser leur remèche. J'écrase dans leur chevaux tard les films d'Orcel. A chaque tuerie, je me demande si c'est bien moi qui ai fait ça comme Cyberkull. Hein, faudrait que j'arrête le peu rappeur. Toutes ces bitches respirent. Si le succès me tombe, je le rase le crâne comme Britney Spears. 9-5 Val d'Oistuc. 9-5 Val d'Oistuc. Coussin, ville, j'ai baissé. Zomo, locké dans le club. Si le rap va mal, j'ai un putain de remède. Le 95 revient, pas besoin de vous prêter. Jour et nuit, on charbonne pour que le 9-5 se lève. Y'a que les vrais qui savent qui réglera le problème. Espérons va s'en charger. Espérons les charger. Espérons va s'en charger. Espérons les charger. 9-5, 3-9-5. C'est le Val d'Oise. 9-5, 3-9-5. Je m'en m'en bats les couilles de ton rap game. C'est plus mes reilles 95. Va le bois stuck dans toutes les caisses. Toi-même tu sais qu'on voit tout ken. Je vois que t'as la haine, c'est pas notre faute. Si ta chérie avec nous est devenue la pire des crèmes. Je suis trop nocif comme mes riffs qui cultivent dans tout le merde. Les terrains specs sont tous des kills. Faire un deck, les pépettes peuvent t'envoyer pour perpète. On fout le spell, toujours des terres pour tous les frères. Truant de la galère sur les pets. Je peux vivre sans argent mais jamais sans la daronne. Je peux vivre sans sexe mais jamais sans la daronne. Mon humour est no-habit, je suis pas marrant. Putain de polygame comme le daron. Elles veulent me chibre mais je suis pas au courant. Si je le meilleur, je me pose plus la question. Je touche toute génération, je suis le quatrième poète de la décolonisation. Shalom, salam, salam. Tu es pas sucé, car toi salam. C'est pas ta halcité dans le haram. On sait que t'as touché toutes les bananes. Caray, faudrait être fait pour espérer me vaincre. Je me sers de ma peur comme une arme pour si les femmes. Si mal, j'ai un putain de remède. Le 95 revient, pas besoin de votre aide. Jour et nuit on charbonne pour que le 95 se lève. Y'a que les vrais qui savent qui réglera le problème. L'espère on va s'en charger. En avant-première à l'Olympia, 95 Val d'Oise Tux. 9-5, 3-9-5. C'est le Val d'Oise. 9-5, 3-9-5. C'est le Val d'Oise. Val d'Oise. En première partie de Ministère AMER, lundi là, à l'Olympia. 9-5, on n'est même pas à l'Olympia, on est à l'Olympia. Français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Ok, quand le 9-5-200 opère. L'homme s'appelle Stéréo Black Star. Une spéciale à mon 9-5-200. Mini, ici c'est. Sarcel. Vini, Vici, RAS. Capitale des Lascars. La nocturne. Sky the Rock. Fred, écoute ça. J'ai quelques balles de plus pour le calibre qui te vaut. Mes mots s'accouplent pour tes enceintes. Pour ne pas dire que je les mettrai en cloque dans mon ghetto. Prison ouverte, le mat, on te guette. Les générations se succèdent, c'est toujours aussi crade dans les faits divers quand l'histoire se répète. La paix son honneur avec du sale, c'est trash et tragique. Dans la tête interne hémorragie, l'oser te tient à la baguette magique. Où le paradis n'est pas les flammes du mal, soit de la tessie. C'est le fan ou sa chair. Ce qu'on aime chez le poulet, c'est le sacrifice. Chez la poulette, la cuisse. Celle-là c'est pour Brigitte, la femme du flic qui pratique l'adultère. Avec un habitué, des contrôles abusifs. On apporte les tubes et de loin les langues de pute. Je les entends regretter. Ça vient de la rue, mes forces décuplent quand on insulte ma fierté. C'est la politique de la gagne. Bouge pour toi sinon qui le fera. Oui mon ami, baise la vie sinon la vie te baisera. J'ai appris que la trahison est au sein de la population. Écoute bien, je ne fais pas qu'apprendre. Je dévore l'information, ok. Dans le 9-5-200 au père. Dans le game c'est pour remettre certaines affaires au clair. Mini, etc. Mère, mini, etc. Mère, ici c'est ça, c'est Vini, Vici, RAS. Capitale de l'Aska. Valeur de la banlieue. Mais comment glorifier la rue quand les petits frères se tuent entre eux. On veut le monde sur un plateau comme Tony Montana. Jamais sans son gunshot click. Prouf, poulet, un regard tellement froid. De quoi rafraîchir la mémoire à un gros poulet. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la hala, on s'en bat les couilles. 9, 5, 2 et 2, ça pacte de douille. Ne cherchez pas les embrouilles. Couillon, car chez nous c'est bouillant. Ici c'est hoche la mouvance. C'est dans la roue quand ils ont la frousse. Dans ce rap, je rentre par effraction. Comme dit Bruno, pas de rap à l'eau. Quand je suis dans le feu de l'action. Trois volatiles comme blason. Je prends ma plume quand je rédige à l'ombre. Je vois plus loin, je cherche l'horizon. Dans une brève évasion. Ok, dortoir des grands de la banlieue nord. Les lascars parlent au lascar. Je fais le job et la rue m'escorte. Bécane levée, tu connais l'école. On sacrifie le poulet au pays du coq. Pays du coq, pays du coq. Le calibre qu'il te faut, on a le son des blocs. Ok, pour le 9-5-200 au père. C'est 9-5 Val d'Oise Tux, ça. Capitale des Lascars. Sarcelle garge, le soleil brille, brille, brille. 9-5-2 et 2 impacts de bras, les selles, ça s'illumine. Je flirte avec le meurtre à chaque fois qu'on nous oublie. Le rap est le livre de la jungle, on a le rôle. principal comme Mowgli. Je zappe et je mate, mais dans leur écran, je ne trouve rien qui ne me motive. Ils font l'apologie du crime, la violence chez nos petits frères, ils cultivent. Gir, je reste un nègre, un deck de la pègre, représentant de sa commune. De Sicile à Sarcelle, quand masse des gommes, je place mon flot, c'est la cohue. Dans la partie, on fait ton autopsie en 16 mesures. Tu testes, on te canne, conteste, on te canne. Le monde est à moi, j'y fous la misère. Énigmatique, gangster d'amour, le digne fils, son papa. Playboy de Sarcelle, capitale d'Escarla, sa papaya. Dans le 95200 au père. Dans le game, c'est pour remettre certaines. Les hommes s'appellent Stéréo, Black Star et Mazeu. Ministère à mer. Ici, c'est Sarcelle. Vénéfici RAS. Capitale des Lascia. Eh les hommes, c'est trop d'honneur, merci à vous. Sors seul. Merci pour le respect. Oh oui. Sors seul. Sors seul. Gage, Sarcelle. Sarcelle. Mazeu. Sors seul. 952. Sors seul. 952. Capitale de Lascar. 100% rap français. 100% explicit lyrics. On va à Garçal. Le groupe s'appelle DOS. Une spéciale à tous les mecs de gorge. 9-5. Zone 4, les 12-7. La recasse nègre. 1. La lame blanche. Partout, partout. Cours plus vite que les balles, mon 9-5 te tire dessus. Punchline toujours en cavale. Tu bives des thugs et des bandits. Peuple touché par balle. Garde sale le bif dans la pendule. Tu repars en vélo, nous en bécane. On va te shooter comme un penalty. Shooter comme un penalty. On va te shooter comme un penalty. On va shooter comme un penalty. Je les ai violés, je pose mes couilles au soleil. Je fais bronzer mes bourges, je donne de la couleur à mon oseille. Garçon. Il est temps de faire du cash et de faire kiffer les groupies. Une seule raison de me voir à genoux, c'est qu'elle soit tout accroupie. Bang, bang, sont ridicules comme le président. Infidèle, il se la met au studio en chantant. Spécial à mon gars Moussa. Avec le royal, chien de la casse en costume. Ben. C'est mon côté rital, je paye les jaloux en nature. Kickers, on s'alimente, bouteille de Belvédère. Originaire du ciment, garde sale peigné d'air. Pointu dans la cheboue, t'as la même gueule que Shrek. Pointeur dans la chedou, t'as écarté la schneck. Cours plus vite que les balles, mon 9-5 te tire dessus. Punchline toujours en cavale. Tu vives des thugs et des vendus. Peuple ton gilet par balle. Garde sale le pit dans la pendule. Tu repars en vélib, nous en bécane. On va te shooter comme un penalty. Shooter comme un penalty. On va te shooter comme un penalty. On va te shooter comme un penalty. T'as plus de punch à la chaîne. Get le flow est maniable. Des MC flottent sur la scène. Marocco, Italia. Sur le terrain explosif, Suarez. J'prends mon bif, j'file à l'anglaise. J'file à l'anglaise. François mange tes carottes, sauce hollandaise. On fait la diff, tire des coups francs comme des pénalty. Tu peux pas suivre, tu vas suer, suer. Perdre des kilos comme Big Ali. Ne viens pas surfer sur le tsunami. Même gourmand, j'perds le goût de la vie. Concerto, fusil à pompe, 95ème symphonie. Change l'euro en tiram, vise la lune, voyage sans escale. Tes rêves, rien que des mirages. Viens armé ici sans espoir. Y'a du sang sur la couronne du king. Silencieux, Fabio Itza, tueur dans le film. Prétentieux. Cours plus vite que les balles. Ça tape dans le 9-5. Punchline toujours en cavale. Du bif, des thugs et des vendus. Peuple bouger les pare-balles. Garde sale le bif dans la pendule. Tu repars en vélib, nous en pécane. On va te shooter comme un penalty. Shooter comme un penalty. On va te shooter comme un penalty. On va te shooter comme un penalty. Cours plus vite que les balles. Mon 9-5 te tire dessus. Punchline toujours en cavale. Tu vis des thugs et des vendus. Fais ton gilet par balle. Une spéciale MMA2N. La compile s'appelle 9-5 Valdois Stux. On va te shooter comme un penalty. Shooter comme un penalty. On va te shooter comme un penalty. On va te shooter comme un penalty. Yeah, yeah, yeah, yeah. L'homme s'appelle P-A-S-S, Tommy Bugsy, Double Bull, l'homme Getch, Iso est là aussi. Ministère amer. C'est la nocturne avec le ministère Hammer lundi soir du côté de l'Olympia. Loupez pas cette date. Franchement, ça fait plaisir de retrouver Passy, Stomy, et puis forcément plein d'autres invités, parce que Ministère Hammer, c'est voilà, il y a plein de monde autour qui gravite autour de vous. C'est la nébuleuse, hein. Ouais. Il y a toujours eu plein de groupes. Bon, Arsenic, Nek Marron, Ahmed Day, il y avait Moda, Garrix, il y avait Gynéco, voilà, tout le monde, Kenzie, Bouboule, et voilà, et toute une ville, Gare, Charcel, et même des fois Villers-le-Bel aussi, donc tout le 9-5 aussi, donc. Passy, dis-nous un petit mot sur les morceaux qu'on a écoutés. C'est quoi? C'est un album qui arrive? C'est une compile? C'est une compile 95 Val d'Oise Tux, donc qui porte les couleurs de la nouvelle génération du rap 9-5. Donc il y a d'autres rappeurs dans le 9-5 qui déchirent, bien sûr, hein, mais ils sont pas tous présents. Donc il y en a plein là. Et donc c'est une compile qu'on va distribuer avant la fin de l'année là. Bon, tu veux finir de bouffer tranquille, non? Ouais, je suis en train de sacrifier un poulet aussi. Ben justement, on va mettre un morceau qui s'appelle Sacrifice. Donc ça, c'est un morceau qui a été quelque part important dans la carrière du ministère. Alors là, c'est la première fois. Qui vous a emporté des emmerdes comme pas possible. Là, c'est la première fois de ma vie que je vais parler de sacrifice de poulet avec du poulet dans la bouche. Ah ben vas-y alors. Fred, c'est magnifique. Raconte-nous, est-ce que alors. Tu te souviens, franchement, Stomy, est-ce que tu te souviens quand t'as enregistré le morceau Pas de Sacrifice? Oui. Je me rappelle quand vraiment fait. Ouais, je me rappelle très bien. C'était la c'était première où fois on touchait des perdièmes. C'est la première fois qu'on touchait des perdièmes déjà. Perdièmes, faut expliquer, dans la musique, c'est ce qui permet de dédommager un peu les artistes, d'offrir des repas. Non, ce qui permet de manger. De manger, voilà. Voilà. Donc, étant donné que nous, Ministère Hammer, on a toujours été dans une petite maison de disques, musique disque, ou c'était une autoprod et tout ça, presque. Et là, c'est la première fois que. D'ailleurs, on peut saluer aussi le premier producteur, Mariano Boeuf, qui nous a quittés, malheureusement. Voilà, paix à son âme. Voilà. Très important. Et c'est la première fois qu'on avait des perdièmes. C'était dans un gros studio. C'était produit par Virgin de la Belle. Et donc je me rappelle, j'étais venu en studio. Je voulais vraiment que ce morceau, avec les autres membres du groupe, on voulait vraiment que ce soit presque le meilleur morceau de la compile. Donc j'avais fait une coupe un peu de malade. J'avais la moitié de la tête rasée, l'autre moitié de la tête en afro, et l'autre avec une crête. J'étais vraiment en transe. Ouais. Quand j'ai fait ce morceau, j'étais en transe. Et ça se ressent dans le morceau. Et franchement, avec la musique de Gedge, Passy qui me baquait, et il y avait Iso qui est là ce soir, qui joue de la basse et de la guitare dans le morceau. Mais ce qui est assez fou, c'est de vous voir tous ensemble. En fait, moi je suis en train d'halluciner, parce que voilà, il y a des gens que j'ai pas l'occasion de croiser depuis un moment, qui sont là. Il y a un côté où il y a une histoire en commun. On est là, on la continue, quoi. Ouais, on vient tous du même secteur. C'est le cas d'utiliser le terme secteur. Comment? On se connaissait avant de faire. Attends, Bouboule. 11 sur 11, j'appuie. Voilà, on t'écoute. Là, on t'entend, là. C'est bon. What the fuck? Non, mais raconte-nous, Bouboule. Je suis désolé de t'appeler Bouboule, mais. Monsieur Bouboule. Double boule, monsieur Bouboule. Double boule. Non, c'est qu'on se connaissait. Moi, je connaissais le grand frère Astomy depuis des années. Le grand frère Passy, je le connaissais. Gage, je connaissais depuis l'école, même s'il allait plus à l'école depuis. Donc, c'était quoi l'équipe Gare Charcel? C'était le 9-5? C'était Gare Charcel, même soirée, même ambiance, les mêmes gars, quoi. On a toujours les mêmes problèmes. On allait dans les mêmes milieux. Eux étaient plus jeunes, donc déjà, on était surpris de les voir. Mais les mecs étaient là même avant nous. Des fois, dans des endroits, on dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Donc, le truc, il a avancé. On se connaît depuis tellement longtemps, c'est un truc de fou. Regarde Christian, le frère Apache. On était ensemble presque à l'école. Donc tu vois, c'est un truc familial, un truc vraiment familial. On n'est pas venu pour le rap, parce que les groupes, il y a des groupes qui se réunissent parce que lui il rappe, mais en général non. Nous on se connaissait. Avant tout, on se retrouvait dans les mêmes milieux, on venait des mêmes quartiers. Donc après. Tiens, un petit mot d'ailleurs sur le rap, et notamment sur ces derniers temps, le clash, les clashs et tout. C'est vrai que vous, à l'époque, on peut pas dire que vous étiez super pote avec la NTM. Il y a toujours eu des clashs dans le rap français. Il y a toujours eu un moment. Est-ce que là, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on a vu plein de clashs, on va pas revenir sur les noms, etc. Tu viens de la guerre du rap, le titre La guerre du rap. Oui, je me souviens. Où Stomy est énervé. Comment vous voyez ça, en fait, à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que c'était la même. Non, ce que je veux savoir, c'est au début des années 90, est-ce que c'était la même tension qu'il peut y avoir aujourd'hui? C'est-à-dire, voilà, être le meilleur, être dans une compétition? Non, ouais, la compétition, elle a toujours été là. C'est la base même du hip-hop. Je suis meilleur danseur que toi, je break mieux que toi, je suis le meilleur DJ que toi, je fais la meilleure beatbox que toi. C'est la base du hip-hop, la compétition. Après, les clashs, le problème, c'est que maintenant, avec Internet, ça prend une proportion de fou. Une petite embrouille qui se perdait le lendemain, elle est gravée à vie sur YouTube et tout ça, tu vois. Et donc, ça prend des proportions incroyables. Attends, on peut le dire. Hein, moi, je me souviens à l'époque qu'il y avait une émission qui s'appelait West Coast là, qui était lundi soir avec Stomy. Le jeudi soir, il y avait Joey qui faisait son émission. Et ils s'insultaient par émission. Bah, et les mecs passaient leur temps. Et moi, je calmais mon gars. Passaient leur temps à s'insulter, si tu veux. T'inquiète, maintenant Stomy et de l'amour. Maintenant Stomy et Joey, c'est devenu des potes. Concrètement, à l'ennemi maintenant. Est-ce qu'on peut dire, voilà, est-ce qu'à un moment il faut calmer le jeu? Est-ce que, voilà. Non, mais après, ça dépend quand vous, quand vous voyez les trucs aujourd'hui, quand vous voyez les. Il faut avoir beaucoup d'humour. Voilà. Non, moi, je me dis. Il faut avoir beaucoup d'humour et il faut avoir une distance par rapport à la musique, la compétition et la vérité et le réel. Je pense. Gatch, t'as quelque chose à dire sur ça? Tu vas avoir même Booba et Rof. Dans 15 ans, ils seront potos. Bah écoute, j'espère bien. Il faut. Bah ouais. Non, même nous, on en rigole, mais c'est vrai qu'on aurait été encore plus potos avec tous les autres groupes. On aurait pu créer, tu vois, un vrai truc tous ensemble, quoi, tu vois. Une cause, on aurait pu chanter. Tu sais, les enfoirés, malgré tout, ils font ça, ils arrivent à se réunir, chanter pour une cause, une vraie cause, tu vois, pour aider ceux qui n'ont pas à manger. Bah, arrivé à un moment, les rappeurs, mine de rien, à part les Urban Peace, les trucs, on aurait pu faire un truc de nous-mêmes. De nous-mêmes pour bah je sais pas quoi c'est Stomy la dernière fois on parlait de support de... le support scolaire à l'école tu vois dans les banlieues dans les quartiers les banlieues, etc. Il y a tellement d'échecs scolaires que se mettre derrière une association on aurait pu faire des trucs comme ça c'est ce genre de truc là qu'on n'a pas fait un chaque année comme ça où on revient vers nos quartiers de base où on donne de la force pour les plus en galère dans les quartiers ceux qui ne savent pas lire ceux qui ne savent pas écrire tous ceux qui ont besoin d'un peu plus d'éducation le savoir est une arme maintenant je sais bien sûr voilà faire un concert où on peut voilà débloquer des fonds pour ça on aurait pu le faire entre rappeurs sans besoin de qui que ce soit bon on va repartir sur le morceau on en a parlé un petit peu à l'instant Sacrifice après en même temps Fred les Clash aussi vous êtes aussi responsable aussi un peu c'est ta faute Fred j'entends souvent ton nom dans des Clash je dis pas toi c'est mais toi Fred c'est de toi jouer, c'est ma faute de jouer les réponses l'autre la fouine a fait un morceau Booba répond Rof répond et de jouer les morceaux ça envenime aussi non mais bien sûr voilà les gars ils doivent faire leur taf aussi mais j'avoue que c'est croustillant on peut dire un mot là-dessus je suis totalement d'accord avec toi Stomy sauf qu'à un moment quand ce qui était différent à votre époque mais quand à un moment aujourd'hui en 2013-2014 quand le morceau est mis en vente sur iTunes, exactement. Etc. Bien sûr. Et que le morceau arrive numéro 1. Bien sûr. Et qu'à un moment, t'es une radio. C'est que eux veulent faire du genre dessus. Et vous, c'est une radio qui s'appelle Premier sur le rap. T'es obligé de le jouer. Maintenant, c'est vrai qu'il faut pas aller trop loin non plus. J'ai toujours détesté toute forme de. Tant que ça reste de la compétition. Moi, c'est Laurent qui m'avait expliqué ça. Laurent m'avait dit, je passe pas au début. Mais je vois sur un truc. Moi, mon truc, c'est le rap. Mais je vois sur un truc, là, il numéro 1. Laurent Bounot, le directeur des programmes de Skyrock. Il y a un moment, je veux pas passer, je veux pas engrainer, mais si c'est numéro 1 dans tous les sites. Non, mais. C'est pas dans ma radio, c'est pas normal. Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que je vois encore sur les Twitter, les Facebook, machin, des clashs de machin, et lui, et nous, on vient de tel endroit, etc. En fait, après tant d'années, on a en train de fêter ministère, mais toi, après tant d'années de Planète Rap, t'en as pas marre? Non! Des fois, je t'écoute, là, je dis, mais lui, mais là. Mais parce que cette musique est vivante, il se passe des choses, heureusement, tu vois, c'est pas la variette où il se passe rien. Il se passe des choses, et c'est ça qui est excitant, c'est ça. Ce qui est excitant, c'est de vous retrouver aussi, c'est un moment de passer aussi des nouveautés, voilà, tout ça est excitant. Mais c'est vrai, et vous avez raison, de temps en temps, il faut savoir aussi lâcher le pied et dire stop, ça va trop loin. Quand à un moment, il y a une confrontation physique, quand il y a un truc ou quoi que ce soit, stop. Tant qu'il y a personne qui finit entre quatre planches. Exactement. C'est le plus important. Après, c'est vrai, vous avez raison qu'il faut prendre du recul là-dessus. Et tout ça n'est que de la musique. L'humour. Bon, on part sur Sacrifice. C'est bien. Ok, retour. Et après, il y a du live avec le ministère Hammer dans la nocturne 100% rap français. Ils sont là. Yeah, Stomy, Passy. Oh oui. Sierra, Tango, Oscar, Mike, Yankee. Comme le prédateur, je ne sors que la nuit. Cette fois encore, la police est l'ennemi. Je souhaite la meute, personne ne pieute. Ça sent les meutes, ça commence. La foule crie vengeance par tous les moyens nécessaires. Préparer l'offense, la ville est quadrillée. Les rues sont barrées, les magasins pillés. Les lascars chirés. Moi j'ai toutes les caractéristiques du mauvais ennemi. Antipathique, sadique, allergique aux flics. Même dans la foule, je porte la cagoule. Les plus jeunes m'écoutent dans l'école de la rue. Je suis leur prof, premier cours. Lancer le cocktail molotov, sans faire de propagande. Abdoulaye nous demande la plus belle des offrandes. y en a qui voltigent. Boum, les gars veulent le prestige. Comme le font les médias, le peuple tu mets pas. Le monde est à moi, je suis ton Santana. J'ai devant moi tous les flics. Ce soir j'ai pas d'usi, ce soir j'ai pas de fusil. Et monsieur Stomp il laisse la place à Bugsy. Avant de laisser faire mes pulsions meurtrières, j'adresse au tout puissant mes dernières prières. Mais demande à Dieu de rester vivant. Et j'appelle le diable pour faire couler le sang. Pas de paix sans que Babylone paye. Est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que Babylone paye. Est-ce que tu le sais? Que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais? 3 heures du mat, partout ça calte, les civils s'éclatent. Qui est David? Qui est Goliath? Des journalistes à terre, des caméras par terre. Sur la vie de ma mère, la guérilla dégénère. Sirène, fumigène, ça sent le souffle, plus d'oxygène. Nous sommes dans le bouffe, la foule se disperse, personne ne veut partir. Trop tard pour reculer, ce soir la lune est pleine. Ce soir je suis en veine, et tous les groupes j'assène. Font mal à l'indigène, et déjà la même scène. De Floride à Oni, voilà si elle peine. Ce soir j'ai la santé, ouais. Pas de paix sans que Babylone paye. Est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que Babylone paye. Est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Ainsi soit-il. Yep, yep, yep, yep, classic, classic, classic shit. La Nocturne avec Stomy, avec Passy, Ministère Hammer. Sacrifice de poulet. Un petit mot quand même sur ce morceau, parce que c'est vrai qu'il vous a apporté quelques emmerdes. C'est le morceau qui vaut 300 000 francs d'amende. Vous avez payé 300 000 francs d'amende à l'époque? Ouais, beaucoup. Kenzie aussi. Non, mais vous vous souvenez de ce morceau quand vous étiez en studio en disant, bon, comment il est né? Comment il est né ce morceau? C'est solo du ancien membre du groupe Assassin, membre des Parasite Breakers, figure emblématique du hip-hop parisien, qui était chargé de faire la bande originale du film inspiré de la haine de Mathieu Kassovitz. Et il voulait faire une compilation regroupant tous les meilleurs groupes de rap sur la place de Paris. Donc à l'époque, juste rappeler, il y a Expression Directe à l'époque sur la bande son. Ouais, il y a IAM. IAM, ouais, 25e image. Il y a Solar, il y a. Il y a encore, il y a plein. Ouais, il y en a plein. Et donc il appelle Kenzie, il dit oh les mecs, voilà, j'ai besoin de vous sur ce morceau là, voilà. Et nous on s'est regardé avec Kenzie, on a dit alors là c'est notre chance, parce qu'avec Ministère Hammer on n'a jamais eu de clip vidéo à part des clips rapline, ouais. On n'a rien eu. Donc c'est notre chance de faire une entrée fracassante dans le pop parisien, d'envoyer un météorite sarcellite dans la place de Paris. Mais il y a un truc aussi que tu oublies, faut dire qu'on était vénère aussi de pas être dans Rap Attitude. La première compilation de rap. Il y avait une compile, ouais. Donc voilà. Qui était là. Sort les dossiers. Frustré. Ouais, maintenant c'est rock'n'roll. On sort des vrais dossiers. Non, mais juste pour rappeler à ceux qui nous écoutent, Rap Attitude, c'est une compile qui sort au début des années 90. Il y a IAM, NTM, Assassin à l'époque. Et on a déjà été mis de côté dessus. Et vous n'êtes pas dessus, rien déjà. Ouais. Alors que la plupart des groupes qui sont sur cette compilation Rap Attitude, la plupart des groupes sont dans les cimetières parisiens maintenant. Et on existait avant. On est toujours là. Donc c'était fait exprès de nous mettre sur le côté. Donc on était un peu énervé, un peu aigri. Voilà, on était fâché. Donc la haine tombe bien quelque part. La haine tombe bien. Le film de Kassovitz, ça tombe bien pour vous. Voilà. Et vous faites ce morceau Sacrifice de poulet. Voilà. Et on nous propose. En fin de compte, on nous propose. Il y avait plusieurs thèmes dedans. Tu vois, Post ton gun, Raga Sonic, c'était le flingue. Les autres, c'était si, c'était ça. IAM, c'était l'impact de la télévision et des films sur les jeunes. Et nous, on nous donne le thème. Il y a une émeute dans un quartier. Et nous, ce qui nous a toujours surpris dans toutes les émeutes, aussi bien dans nos villes que dans les villes voisines, c'est que quand il y avait des émeutes, les jeunes, ils brûlaient l'épicier, ils brûlaient la boulangerie, le supermarché. Il faut juste rappeler que c'est avant 2006, avant malheureusement les émeutes de. Là, on est en 95. Voilà, la crèche même. Voilà. On est en 95. Voilà. Donc on s'est dit, les seules émeutes à l'époque, c'est Vaux-en-Velin, il me semble. Non, il y avait plein. Il y avait Garges, les Gonesses. Dans le 18e aussi, il y a eu des émeutes aussi. C'était à la suite de certaines bavures policières. Voilà. Et t'écoutes encore de l'électro, Fred. Ça attaque. Ok, on va régler ça. Il y a une Zlatan au cou. Tu es en train de dire que je connais rien au son, c'est ça? Non, se permettrait pas. Jamais. Et donc voilà, donc on s'est dit voilà, il y a une émeute dans un quartier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller le régler au commissariat. Voilà. En fin de compte, et c'est très imagé, c'est très. Mais à l'époque, tout de suite, vous êtes attaqué. Après, on s'est fait attaquer. Il y a longtemps, pour nos propos avec Brigitte Femme de Flic. Voilà, il y avait prescription, donc ils nous avaient pas eu à l'époque. Voilà. Donc, mais là, Brigitte, c'était là, tu vois, donc voilà, donc mine de rien, sacrifice de poulet, mine de rien, par rapport à ces syndicats de police, c'était l'occasion. Voilà. Donc il y a ce morceau qui naît et après il y a tout voilà, y a, résultat, qu'est-ce qui se passe pour vous en fait, il y a quoi, il y a une amende tribunal, au tribunal, il y a Kassovitz qui vient, il y a Ardisson qui vient, il y a le rédacteur en chef de Rock and Fall qui vient, il y a voilà, c'était assez intéressant, c'était bien. Voilà, une grosse amende, mais bon, voilà, on a pas baissé notre pantalon, on a continué le combat. Bon, et puis en attendant donc lundi soir les 20 ans du ministère amer, en tout cas les 20 ans pour l'album culte du ministère 95200. Loupez pas, il reste quelques places, donc par exemple samedi matin, les Fnac ouvrent, les Carrefour ouvrent. Allez récupérer vos places tout de suite. Il en reste pas beaucoup. Hein. Il en reste pas beaucoup. Vraiment, il en reste très peu. Donc mon téléphone, c'est pas la peine de m'appeler pour les places. Hein. Ouais, mon téléphone, il est éteint depuis 3 jours déjà. Donc ne loupez pas les ce concert. Les invités sont déjà invités. C'est fini. Voilà. On dira rien sur le show, on dira rien sur qui sera présent, qui sera pas présent. Mais... vous allez voir. Voilà. Même nous-mêmes, on dit vous allez voir, on est en train de faire. Mais nous-mêmes, tellement on n'a pas beaucoup chanté avec Ministère Amer, nous-mêmes, c'est un concert qu'on va voir aussi. Voilà. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour un petit live maintenant? Après le poulet et le riz, ça va être chaud, mais on est là. Alors, est-ce qu'on peut présenter la personne qui s'appelle Iso Diop, qui est là, grand musicien. Ouais. Grand guitariste, bassiste. Un gars de chez nous, de Garges, en plus qui jouait déjà sur le morceau Sacrifice de poulet. Et avec qui on avait joué à l'époque, même avant de faire des disques, avec qui on avait déjà commencé à faire une formation bande avec Ministère Amer, quand on était aux prémices de la musique. Voilà. On n'avait même pas fait de disques, nos maquettes, on les avait déjà fait avec Iso. Ouais. Donc voilà. Iso, balance-nous juste pour voir si tout marche, 2-3 petites notes. Oui, Ministère Amer en live. Le 22 septembre à l'Olympia. Yeah. Tommy Bugs, P-A-S-S-E. Dans les coups 4h du match, je quitte une boîte avec ta rate, complame, des portes claques, claque. Je me demande pourquoi les flics sortent, con, mes scores m'emportent dans un fourgon à la con. L'excuse est bidon, encore la brigade m'emmène en balade, façon bousculade, de peur je m'évade, veux faire de moi de la marmelade. Là ça me regarde, plus de goupilles sur cette putain de grenade, il y aura de la bastonnade. Avec la brigade des stupes, la brigade des putes me donne droit à l'erreur. Mais qui est le trafic, truc, troqueur, c'est l'inspecteur, à la fin je serai le tracker. Moi le pronostiqueur, invité d'honneur. Au poste de police, au bing-bang, feu d'artifice, deviens le putain numéro 6. Victime d'une injustice, c'est trop injuste. Le dit Calimero, le négro, tombé dans le piège. Peut-être parce que je n'ai pas la couleur neige. Pour cet abus, je siège en garde à vue. Alors j'envoie comme ça l'ennemi fait A-double-S-I. Garde à vue, je suis détenu par des trapus qui insinuent et qui concluent après l'entrevue que j'appartenais au gang du casse de l'avenue. Quelqu'un m'a-t-il vu ou a-t-il cru m'avoir aperçu ou entrevu ce qui m'a valu, ce qui m'attribue la place du Berlu, berlu, de mal autru, de mec battu, étant devenu le mec déchu. Par le malentendu, bien entendu, j'ai répondu par un refus à leurs abus. En fait, j'ai su que leur seul but fut d'être une fois de plus des trous du cul. Le système autorise, légalise le fait qu'on nous brutalise, le fait qu'on nous utilise, le fait qu'on nous martyrise, le fait qu'on nous utilise. À mon tour, je verbalise et maîtrise la prison. Enregistre avec ton poids sous clip au magnétoscope. Je blague avec le beat non-stop. Ce qui m'excite, c'est que le tic-tac de cette qualité artistique t'accompagne dans l'atmosphère de la garde à vue. T'accompagne dans l'atmosphère de la garde à vue. Hey, les traders connaissent la garde à vue. Les présidents connaissent la garde à vue. Les ministres connaissent la garde à vue. Toutes les caïras connaissent la garde à vue. Hey, celle-là elle est pour vous. Ministère spécialement pour ceux derrière les barreaux. Oh oui, yeah. Avec nous, ça fait. Le garde me regarde, je suis en garde à vue. Le garde me garde, ma mère n'est même pas prévenue. Le garde me regarde, je suis en garde à vue. Je suis en garde à vue, il y a inscrit bienvenue. Preuve à l'appui, depuis 48 heures, Stomy. Passy, Stomy. Derrière la vite incassable, les implacables inséparables, reconnus coupables par des incapables, mais intouchables. Je rappe avec Passy depuis le bac à sable. C'est balancé, c'est coupé, et les RG veulent frapper. Les YMT, SIWSAP, un QP privé de souper, un commis. commissaire apparaissent d'Hitler. Je vénère, ça dégénère. La garde a vu sur la bavure policière. Place est au ministère, rien à faire. Peu comme moi, les méthodes, mes notes, quelle menottes me sert. Ils sortent la batte, me tombent dessus à quatre. Cache réforme et PK, même les mains dans le dos. Nous sommes les putains nègres, négros. Coup de latte sur coup de latte, nous sommes cool. Ça vient tabasser ces pognons. J'entends des haïs, des houillements. Un boy leur distribue des coups de boule dans les couilles. Le droit du milieu pour tous les flics véreux. C'est nuit fait balance. Alors bonne chance. Plus de potins sur la tête. Baisse letter inspect. Le stratagème, l'emblème du M A M E R. L'extrême left D M. La Kim, la sec. La Kim repose en paix négro. Mais les keufs en quête veulent les têtes du M I N I S T E R E. Devant la B O L I C E. Malgré leur coup de feu, personne ne peut prouver que nous sommes dans le milieu. Une spéciale à tous ceux en GAV. Une spéciale à tous ceux derrière les barreaux qui nous écoutent. Une spéciale à tous ceux qui seront pas là à l'Olympia avec nous ce soir là. Le garde me regarde, je suis en garde à vue. Le garde me garde, ma mère n'est même pas prévenue. Le garde me regarde, je suis en garde à vue. Je suis en garde à vue, il y a un script bienvenu. GAV irrationnel, les flics me harcèlent. Quel nom, j'ai pas le PA2S qui est donc passif. Le S, T, Y, N, E, essentiel. De S, A, R, C, E, L, L, E, S, la C, A, P, I, T, A, L, E. Conteste les A, B, U, S et le stress de la garde à vue. GAV égale cage, donc je suis otage de personnage. Adepte au martelage, d'étage en étage, A, M, E, R. Je s'engage à tous les mettre à la page. Aussi vrai que le YMOTSIWSAP. Pour perler ses pensées sur les polices qui agissent. Souvent sans preuve ni indice sur les préjudices. Ce qui veut dire qu'on est souvent soumis aux sévices, aux supplices. Dieu les maulisse pour qu'on t'obéisse. Prends déjà un billet gratis pour le spice. Et les novices du vice et mon complice STOMY te le disent pendant ce break. Nos comportements sont impeccables et sans échec, mec. Ouais, correct ou incorrect, qu'on t'affecte des termes abjects. Mon dialecte est correct, direct et intellect, rien à faire. Notre place est au ministère, rien à faire, notre place est au ministère. Le 22 à l'Olympia, c'est lundi. La nocturne, yeah. C'est historique. Ministère, A-M-E-R. C'est la Fred. Le garde me regarde, je suis en garde à vue. Le garde me garde, ma mère n'est même pas prévenue. Le garde me regarde, je suis en garde à vue. Je suis en garde à vue, il y a un script bienvenu. Le garde me regarde, pour la pas la GAB de toi, elle s'en part. Pénard, ça donne un style de dollars. Fond blanc, déjà tes jambes tremblent devant la barre. Rendez-vous avec le colosse, le boss qui rentre à ton tard. Aussi grand qu'un hectare. Depuis 89, le amer combat abat les keufs pour que tous nos refs ne soient pas déshabitués. Tués, lessivés, accusés du GAV mort éprouvé. Dans leur GAV, garde à viande, garde à vue. Une spéciale à tous ceux qui seront là lundi soir à l'Olympia. Une spéciale à tous ceux qui seront pas là, tous ceux derrière les barreaux, avec nous. Le garde me regarde, je suis en garde à vue. Le garde me garde, ma mère n'est même pas prévenue. Le garde me regarde, je suis en garde à vue. Je suis en garde à vue, il y a un script bienvenu. Le garde me regarde, je suis en garde à vue. Le garde me garde, ma mère n'est même pas prévenue. Le garde me regarde, je suis en garde à vue. Je suis en garde à vue, d'autres n'en sont jamais revenus. Le garde me regarde, je suis en garde à vue. Le garde me regarde, ma mère n'est même pas prévenue. Le garde me regarde, je suis en garde à vue. Je suis en garde à vue, il y a ce qui est bienvenu. Le garde me regarde, je suis en garde à vue. Le garde me regarde, je suis en garde à vue. Le garde me regarde, je suis en garde à vue. Le garde me regarde. Yeah. Bon les mecs, lundi soir, Olympia, loupez pas, franchement, ils sont chauds. J'ai l'impression que vous avez 20 piges en fait. Ça a pas changé en tous ces trucs là, tu sais, on s'est rendu compte que putain c'est chargé. On a du taffer pour tous les textes. Tu sais Fred, on a 42 ans, moi et pas si, mais franchement quand on rappe les textes du ministère amer, c'est retour dans le passé. Franchement, j'ai l'impression d'avoir 20 piges, 18 piges. Et la situation en France a des fois même plus empiré, tu malheureusement, vois. Malheureusement, ouais. Voilà, donc c'est le contexte est presque le même et nos paroles retentissent toujours autant. Merci d'avoir été avec nous en tout cas pour cette nocturne 100% rap français. Passis, Tommy, un big up à merci toi, un big up à tous ceux qui écoutent. Ouais. Juste une chose, là c'est Gatch qui parle, je voudrais Gatch faire une petite dédicace si c'est possible. Vas-y, bien sûr. On va dédicacer à Abou Camara et à Adama Camara. Voilà, c'est pour qu'il garde la force. Bon, en tout cas, bravo à Gatch aussi qui fait partie de l'histoire, bien évidemment. Boubou qui était là avec nous. Iso qui était là ce soir avec nous à la guitare. À la guitare. Et Jean-Louis aussi. Et Jean-Louis qui était là, Jean-Louis. Toujours là. La dédicace au 6-8, à Légitime Défonce, à Alpha Renégat, les potes de Mulhouse. Merci à vous tous en tout cas, bah, merci. Nous, et lundi soir, nous, voilà, on donne rendez-vous lundi soir à tout le monde. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un avenir pour Ministère ou c'est voilà juste pour marquer le coup, c'est quoi en fait? Il y a tout, voilà, c'est vraiment un anniversaire qu'on fête, on verra après. Voilà. Franchement, on se prend pas la tête, même le concert de Ministère. D'habitude, tu viens à Paris, tu chantes à l'Olympia après une tournée, après plein de dates. Nous, c'est même pas ça, c'est la première date. C'est pour marquer le coup, quoi. Donc, c'est vraiment les gens, ils vont venir, ils vont prendre le premier jet, ils vont prendre ça comme ça, comme c'est. Voilà. C'est ce qu'on donne, c'est rien que du naturel. Et puis, Passy, il y a donc la compile qui arrive aussi, hein. 95 Valdoise. 95 Valdoise. Ah, bah, ce temps-là, je comprends, ouais. Yeah. Après tous les, tu vois, après avoir des relais de garde à vue. Et puis, Stomy, il traîne à LA, donc si vous êtes du côté d'LA. Ouais, West Coast, là, toujours. Toujours West Coast. Toujours West Coast, en tout cas. Ça m'a fait super plaisir de vous recevoir, vraiment, sincèrement. Ciao. Passez une bonne soirée, on va continuer avec 2-3 sons. Moi, je vais passer dans un instant un rub qui fait rub. Vas-y, à l'ancienne, passe des voilà, un petit son comme ça. On va se mettre bien encore pendant allez, une bonne grosse demi-heure, peut-être même un peu plus. Merci à vous et lundi soir, Ministère Hammer à l'Olympia, à pas louper. Ciao, merci à vous. À bientôt. Salut. Ciao, wow. La Nocturne continue maintenant. La Planète Rap sur Skyrock. Nocturne. Super chaud sur Chaud Lapin FM. Chaud Lapin. Papa à moi, remix. C'est un gang, le genre de gangster qui bouge en silence. Manigance en douce dans la douce frontière. Dame son plat de riz avec les mains et son ski. S'essuie la bouche avec la manche de son costume acheté à Tati. Un peigne afro dans la poche gauche, dans l'autre une fausse feuille d'embauche. En guise de couverture pour les flics gauches. Mais il sait dire, oui monsieur, tout de suite monsieur. Pour qu'on laisse circuler, puis après il continue à faire son business. Hey, arrivé au foyer, il me dit de tailler. Me lâche des billets, à peine la porte fermée, je me mets à mater. Par le trou de la serrure, mais ce que je vois, jamais je le dévoile. Parce que je balancerai jamais celui qui me donne à manger. Même si mon papa marche la tête baissée dehors. Pour moi et pour la famille au bled, il reste le plus fort. Mon papa manigance, mais il s'estère. Le genre de gangster que t'en verras jamais par vol. Payé en dollars, sterling, on donne l'heure précise. Comme les profs, j'utilise les strophes pour décrire les catastrophes. Imagine une prime, une vermine qu'il faut que j'extermine. L'atmosphère musicale, les mines, les rimes, mais ça se termine. Primo, mon nom Passy Dezio. Ministère, tertio. Un gangster en cachemire, pas en polyester. Une bunch. Winchester, champagne, magnum dans le holster. Dans mon hystérique western, j'ai le rôle de Winchester. Un hostile gangster qui vient des mystères de l'ouest. Qui bise à Rio, à Manchester, Esther à Palerme. Pour qui la terre entière n'est juste une cage pour un hamster. Un gangster qui rêve même de niquer le système stellaire. Faire de la vendetta, une façon de communiquer. Papa et relations publiques au micro, un expert. Papa gangster, maman doit se taire. Pleure pas, un jour petit, tu prendras la place de son rep à lui, c'est un vrai. Un rep qui fait rep, un putain de daron. Un pacha, un caïd, un baron. Si tu te demandes d'où viennent nos paroles meurtrières, c'est héréditaire, y'a rien à faire. Père est un gangster. Son rep à lui, c'est un vrai. Un rep qui fait rep, un putain de daron. Un pacha, un caïd, un baron. Si tu te demandes d'où viennent nos paroles meurtrières, c'est héréditaire, y'a rien à faire. Père est un gangster. Papa, c'est pas un gangster, c'est Zorro. Il met sa fausse barbe rose, se masque à la banque, la thune tombe. Des arbres. Après on joue à Starsky et Hutch. Parce qu'il roule aussi speed, casse plus de caisses. Il met les mêmes Nike à l'école. Pire que Tom Sawyer, j'ai les meilleurs notes sans le vouloir ni le pouvoir. Et les plus bonnes profs, jamais on m'a collé. Je suis fier de mon props, c'est le meilleur. Les juges l'appellent monsieur Oxmoke. Dans les news, j'ai vu ce kef qui m'a foutu le blues. Oxysé dans une fac de 100 boxé, on aurait dit par 12 stocks. Papa est revenu avec un cœur marrant, le même que ce même civil. Quelle coïncidence, c'est pas un gangster qui roule en roadster. Je reste le chéri de sa voisine, une meuf débile de papa, elle a le poster. Du bise, le papa de vide, brisqueur sur les disques. On part de lui, ouais, on dit que c'est un mythe. Pas de black, pas de baggy, rouge, les vis, ras les couilles. Ouais. Back en euro, boogie, gangster, aux aguets, même pris en flag. Il n'y est drague, les jupes mini, zigzag avec les yeux. Fini toujours ses jobs, du métal sous son taquini bob. Sur le crâne, gob, jamais la couleuvre. Ça fera nous vélouse, sa bune, partout, une putain d'œuvre. La savane, son royaume, il traîne ses choses. La zeb, son médicament XL. Quand maman fils, sans maman fixe, je le ce mec n'a pas de principe, kiffe sur tout ce qui rapporte. Exporte son vice, vif le soir, le matin, t'approches pas de sa porte. Fort poitrine, grosse paire de coronets, son monde est moisi. Bourré de saisie en tout genre, et cette fois-ci à Roissy. Ils sont vol couché à sa vente ce vaisseau. Ne dis même pas.

m'aperçois humain. Je suis disperse dans un wagon, les poulets sont en chien. Mes baskets ont changé de teint. Je repense encore à leur éclat du matin. Je descends à Pierre Fictin. Une tonne 4 de Kiss Day devant la prisonnière. Mais de la course à pied. Et mes baskets blanches vont encore morfler. Cours plus vite que les balles. C'est la peine maximale où la pierre tombale. Cours plus vite que les balles. C'est la peine maximale où la pierre tombale. Cours plus vite que les balles. Ai-je tué quelqu'un? Suis-je un assassin? Des ABS, aux mecs qui en garde à vue imposer leur test, déballant la rue miracle par baisse, jusqu'à max dans moi je progresse, personne ne dresse, YMOTS dit vas-y, vas-y, vas-y. Est-il arrivé à mes deux peaux, tu le sais, négro c'est chacun pour sa peau, tandis qu'il me cherche, je suis une flèche, le quartier est cerné, ma description est donnée, jean basket, flag jacket, ils veulent ma tête, bah, boum, psh, est-ce que tu piges, je fais les bons de 15 mètres, ma gueule elle a son mec, à la Terminator 1, je massacrerai bien. C'est pas 20%. Ça change rien, testomie 100%. Vous voulez mettre la bombe et bombe le torse, gravé par le corse. En gros, pas de détails, je suis taille à boulet Jedi. La force est avec moi, je puis sur tous les toits. Mais l'ennemi est dans son pays, c'est où je suis. Paris, j'ai pas le droit de me rendre, pas le droit de me faire prendre. Par un copine, ça peut fichu, le négro me nique. Ma liberté est en jeu, ma vie est en jeu. Adieu, monsieur l'apéro, LICE. Ça y est, vive à la cité. Franchement, j'étais content de voir mes négros à pour l'autoradio. Double SAP n'est pas là pour taper. Tout comme moi, ils courent plus vite que les balles. Mamma mia, caramba, ils sont encore après moi. Une tête du M à Tréma, ça ne s'oublie pas. Par-ci, par-ci, par-ci, par-là. Ah, je serai pas en paix, c'est pour les bris pour me piéger, parfait. C'est parti dans ma capitale. Feinte, fonce, me faufile et entends pas, pas. Mais aussi près de chez moi, ils ne m'auront pas. Ah, je remarque le pas, jusqu'à la mort, je lâcherai pas l'affaire. Comme le disait mon pote Armand, si fier. Je rentre dans une cité, que sur les bouts des doigts je connais. J'y ai traîné, j'y ai planqué, j'avais un plan dans ce quartier. Dans une cave, je me suis planqué, ils n'ont pas pu me trouver. Et 30 minutes après, j'ai apparu au QG. Certains sources me croyaient en GAV. Passé qu'un ingé, plus jamais. Je cours plus vite que les balles. C'est la fête maximale où la pierre tombe. Tu sais quoi, Hussein? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, c'est la merde dans le quartier, t'as vu ça? Ah oui, tout est pété, ils nous ont laissé que des MJC, c'est grand fatigué. Sur la vie de Maras, moi je veux peser, ouais. Je veux des billets. On va avoir des mercos, on fera des bracos, et on en... Putain, c'est la bourse de la vie. Je vais choisir chier, parce que franchement, je suis... La dynamique d'abord. Vas-y, tiens. Cheers-toi, mon frère. Dieu, t'as été parfait ou imparfait, à présent je fais. Je suis mineur, j'ai Montana, Noriega dans le cerveau. Un des genoux qui pour la maillot vie est devenu pro. Trop de blême pro dans mes propos, je me la joue escroc. Devant les flics, je vais oser, à la Kaiser s'oser. L'ardinéman, fait que mes chétanes, plane au moins en bécane. Tu nous testes, on te tanne, tu contestes, on te canne. À l'armée, tire l'alarmée, c'est les flics sortent leurs armes. Comme à Parme, Palerme, le drame a son charme. Loi du plus ouf, tu dis pas ouf, on s'en fout, on te fout. J'ai faim et comme dit Ahmed. Un pour tous, tous sur un. Élevé au rap, ragarat, aux êtes là à la tape. Aux soirées, cité, ciné, série télé où les autres ont été pris. Tu verras, je réussis, je serai celui qui brille et claque. En pleine pénurie, je ris de tes faux pas, maintenant le monde est à moi. Trop de morts dans les quartiers, trop de cannes plantées. Dans des villes en t'es tenté, par la fonce et l'argent ancré. L'illicite incite à t'excite, plus rien ne suscite la réussite. Trop de morts dans les quartiers, trop de cannes plantées. Dans des villes en t'es tenté, par la fonce et l'argent ancré. L'illicite incite à t'excite, plus rien ne suscite la réussite. Je veux rentrer dans les soirées, le schlasse dans la poche pour charcler. Péter les pétasses à l'appel, comédie Barclay. Rap à fond dans ma caisse large avec mes potes. Captain Spot de HS, tout fait les poufs que je kidnappe. black dans mon appart. Je rêve de sabrer le mot wet, petit le cul posé sur du marre au casino black. Jack Sablin et au schnapp joué. Fric caisse s'il le faut, même ma femme au craps. L'Italo Harissa, on casse les francs, Fissa. Fais passer Sosa pour un livreur d'Allo Pizza. Sale face de rascal comme équipe, clic clic, tombe les vis. Si tu résistes, tu repars en slip vis. Me jeter dans mon jet, jet 27, dans ma pogne, mal poli, roté à table. Comme Al Capone, péter le ballon dirigeable. Nick Hala, touche pas Haza, le monde est à moi. Trop de morts dans les quartiers, trop de cannes est planté. Dans des villes en détenté, par la fonce de l'argent ancré. L'illicite incite, excite, rien suscite la réussite. Trop de morts dans les quartiers. Quartier. Trop de cannes est planté dans des villes en détenté. Par la fonce et l'argent ancré. L'illicite incite excite. Rien suscite la réussite. Marre de guetter, galérer, goûter au gain. Veulent les gamins de rien partir, grossir, devenir quelqu'un. Le rêve ricain, comme l'état des tournées. Faire tourner un compte en Suisse, défiler en boubou. 14 juillet, sur les Champs-Élysées. Un chef afro à fond le son de Kofi Olomidé. Dans un Jaguar immatriculé. NP. Toc, léopard, gris-gris. Scarifié au joug, je foutrais le sac à sac à. Dans le petit Robert, comme dans Julia Passy aussi. M donner des banquets, banquets, embarqués avec des bouquets, des poupées dans mes baraques. Casqués, Mercos, garde baraque et clubs pute privé. Sauver les miens, des galères sur le pavé. Des GAV, des gens gavés, crevés d'entravés dans mon quartier. Je veux entendre Ave. Putain, rouler un pays à la Berlusconi, l'Italie liée à Forza Italia. Samifa et le monde à trop soi. Trop de morts dans les quartiers, trop de cannes est planté dans des villes en détenté. Par la fonce de l'argent ancré, l'illicite incite excite. Rien ne suscite la réussite. Trop de morts dans les quartiers. Trop de cannes est planté dans des villes en détenté. Par la fonce de l'argent ancré, l'illicite incite excite. Rien suscite la réussite. Trop de morts dans les quartiers. Trop de cannes est planté dans des villes en détenté. Par la fonce de l'argent ancré, l'illicite incite excite. Rien suscite la réussite. Trop de morts dans les quartiers. Trop de cannes est planté. Ça reste combien d'écouteurs? Allez, bon, la suivante, allez-y. Attends, il y a eu un Larsen là, coupe la musique. Coupe la musique, recommencez, recommencez. Recommencez bien, recommencez. Bien, mais faites-le bien, à l'aise. Vas-y, vas-y. Attends, je suis fatigué. Et les mecs, essayez de garder ça là. Non, dites-moi, c'est qui a ramené ces pétasses. Tout simplement. Ah, attends, viens, laisse encore une chance. Vas-y, rechantez, rechantez. Ça va plus, là. Les ratés. Allez, dégage. Allez, arrache-toi bien, voilà. Allez, laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles, Tommy. Ils reviennent plus. Léchez-les, vous êtes des salauds. Ah, les meufs du boulevard Ney. Les rats aiment les lascars dans la nocturne spéciale ministère. Et lundi soir à l'Olympia, à pas louper, concert événement, Stomy Passy sur scène. Et deux pour les rats, trois, voilà, missiles, misto, décontractés. Pour tout compter qu'étant enfant, j'adorais les bandits. Y'en avait qui taffaient pour être les premiers de la classe. Pour être le plus fort de l'école, je me battais contre des masses. J'étais encore petit, un mini logis. Mais pour moi, j'avais le manche comme Scarface. Je m'étais juré de descendre Elliot Ness. Et puis j'allais en cours pour faire des mots d'amour. Maîtresse, il m'embête, t'aspèche. Mais à 4h30, on faisait du pipi. Je visais déjà le haut, les seins les plus gros. Dans le clan des grands, y avait des putains de belles et bonnes meufs. Qui crânaient devant nous, me faisaient maquer par leurs mecs. Elles criaient sur nous, mais devant leur mat, fermaient leur bec. À l'âge où l'on commence à courir derrière les chats, tu me suis dit pour qu'elles matent. Homos, homos, arrête de jouer les los. Homos, homos, t'as pas de Lévi-Strauss. Homos, homos, elle est pas assez grosse. Pas comme moi l'excessaire, fallait que je sois un L-A-S-C-A-R, cigare. Les rats aiment les lascars. Les lascars de César, lascars de Jucar. débarque du Congo la même année que Mario. J'avais mon boubou rouge à 25 000 francs CFA. Fâché quand à l'école on me disait qu'est-ce que c'est que ça. Déjà enfant, je m'étais à la demande. Les gens qui me disaient oriente, toi du Bouana, moi Tarzan. Dans la rue le soir, je voyais des scènes bizarres. Les bonhommes afro brillant dessus dans la tête, dans leur herleuse noire. Jambes chromées, intérieur, léopard, se disputer avec leur rat après une partie de seuf. Les frapper à mort jusqu'à l'arrivée des keufs. Le mec faisait embarquer la tasse, mais s'arrêtait de pleurer. Mais le lendemain après avoir juré, elle était à ses pieds grattés, ses fesses à terre pour que le mec la remette en laisse. L'estimale, elle faisait des simagrées le lundi, le traité de bandit le mardi, devant moi pointe à mourir pour lui. À l'âge où double astuce commençait à avoir les poils sur le zizi, je me suis dit plus tard, j'ai un lascar, car les rats t'aiment les lascars. Des passes au mini-ling, jamba par case, partout tous les rats, clic clac, j'ai le pass, la scarface, la scarface dans leur face et leur face, YMOTS, service, haze, agrossi, mon zizi, plus de cartouches qu'un Uzi, Stomy Bugsy, de la secte, oui, des RCA, oui, du Stermini, oui, etc. C'est encore moi, le nègre de la pègre, écoute-moi, suis-moi, bonnet and clad, j'te fous droit, de sang froid, tu viens plus chaude, allo dog, v'là la noire haute, viens dans les NSB, étant tout petit avec mon cata. J'ai déjà passé le cap des fables, mets-toi sur la table, j'ai toujours la pêche, base, pêche. Je respecte les rats qui se respectent, mais celles qu'on bouillave dans les caves. Stop échec, je suis un gangster d'amour. Elles font la queue pour que je les bourre. Lololo, chic, j'ai une trique qui peut servir de clic. Mon bras, tel cobra, delta, à la gâchette facile, clic, pas, si pas, explique. Clic, clic, clic, bang, bang. Les rats rêvent de gang comme dans les films d'Hollywood, comme dans Boys in the Hood. Les bouts des M, le L-A-S. C-A-R, déjà petit craché à terre, dénigré la vie de sa mère. C'est un M-A-C et elle marche au pied. Pas le R-E-S-P-E-C-T, excepté quand le bandage n'est pas tâté. Moi c'est genre le mec qui aime la vie tranquille. Dans le mille, j'aime l'argent facile, la queue flan habile, la peu flan subtile. Et quand ça tire dans les rues de ma ville, les starlettes par la fenêtre détestent les plus fragiles. Non, les rats aiment les lascars. Cette planète rock. La nocturne. Un, devinez qui revient. Je pèse et je pèse en levrette, en brochette, pickpocket, pichenette. Je pose ma notoriété comme Vito Corleone. Me regarde pas de travers, enculé de ta mère. Je viens flamber sur l'album de Neg Marron et tu me connais. Si t'es pas content, va te faire mettre jusqu'au trouné. Je te pétille à coups de talon, façon Joe Pesci. La franchise, pas chichi, mon secteur a te chie. Devant lui, tu fléchis. Même si tu cries, on augmente la mélodie. Fais placer l'homicide pour un putain d'arachiri. Les flics sus leurs indiques, personne sait c'est qui. Va te faire enculer. Je vois ce qui me revient de pouvoir les richesses où on est allé. Stormy Bugsy, c'est comme ça qu'on m'appelle. Tu sais le beau gosse avec le costard, la coupe de champagne, les cigares et les rats de tes rêves, j'en ai à la pelle. J'ai tout connu, laisse-moi sortir du cul. Les murs de chez moi sont tellement fins que quand mon voisin chie, je peux savoir si c'est des partout du riz. Quand les fils de salope prétendent faire du vrai hip-hop, l'important c'est la maille, le flou, la pêche, la classe. Appelle-moi Stormy Bugsy, Montana, le calibre qu'il te faut. En attendant le prochain album du MA. Mon premier est une casse qui kiffe gynéco. Mon second, un MC qui fait du rap à l'eau. Le tout est une que je baise sans. Je touche ma sacée mais j'investis dans un BM. Je pèse toutes les filles même. L'homme qui met son doigt dans ton intimité a prostitué ton rap sur le boulevard né. Si tu veux pécho, viens voir gynéco. Jamais de pénurie au PLC. J'investis en gros dans les rues du quartier. Je suis sur toutes les radios, j'ai des clips vidéo. On s'échange mes démos, j'ai une putain de promo. Un riche en sursis. Toi-même tu sais que secteur à ma pluie. Oui mais oui t'as le loup. J'arrive et puis j'explose dans une Jackson. C'est drôle, ferme ta gueule, creuse ta tombe. La secteur A c'est l'hécatombe. Je tombe comme le tonnerre et je suis vénère comme King Kong. Est-ce que t'as bien saisi? C'est en fait nous. Les trois scars la voyou. Benji, Jackie, Jamatic, Daddy viennent chercher pour vous. NF9, l'année où tu rêves de paix. Laisse-toi, bats-toi si tu ne veux pas être de la baisse. My, my, my, ma, ma, ma, ma. Mais oui, il n'y a que la maille qui maille. Jamatic, le nom de la vie des poupées, ça prend les maillots. Un F97, l'argent rentre dans ma vie, j'en ai marre de redire, faut que j'assouffisse mes envies. Que je l'ai pas eu hier, faut que je l'obtienne aujourd'hui. Tu veux de la monnaie, des thunes, du fric, non, non, non, non, il ne faut pas que tu flaires. La monnaie dirige le monde, je l'ai déjà dit l'année dernière. Comme nous t'aimes, buffla, dans tous les mouvements. Avoir des tasses, mais tout le temps, avoir les poches pleines d'argent. Qu'on dise que t'es important, que c'est à 100%. Comme le vent, c'est de l'argent, il faut que t'agisses dès maintenant. Mais oui, mais oh, oui, t'as le bon. J'arrive et puis j'explose, on est Jackson, c'est bon. Soit tu pèses, soit t'es de la baisse. Je tire ailleurs, reviens donc bouge d'aucune ma chaise. Je pèse, blesse, laisse. Les MC flippent pas leur place. Quand quelqu'un pèse, les caucasiens font la grimace. Ouais, rien à foutre de l'état. Ton PNP, je fourre tout dans ma BNP. Le siège, ça reste mon oreiller. Mais cette fois, François ne paye pas en France FA. Je veux que tu payes en franc l'oreiller. La caisse est par là. Je suis le mec qui va te faire perdre toute ta paye. T'es encore de la baisse, un conseil. Paye à mes day. Faut du wari wari, plus de wari wari. Pour que je puisse me retirer en retraite au pays. Ahmed Day, Neg Marron, en même bagaille, envoie le plus. T'as une bombe, j'arrive et puis j'explose dans une Jackson. C'est bon, ferme ta gueule, creuse ta tombe, la secteur A, c'est l'hécatombe. Je tombe comme les tonnerres et je suis vénère comme King Kong. Est-ce que t'as bien saisi? Sorti du sixième chaudron. Arsenic, le poison, il est à mes oreilles. Les douilles éclatent, les hémoglobines du monde sur l'écarlate. Écarte les âmes sensibles quand les gratuits écarlate. Mais MC, c'est trop bavard. Le français de Navarre, que je suis connu comme le flingueur le moins avare. Avare en passe, creuse mon esprit par en testos. Je creuse les forces, les non-testos. C'est les microbes comme dans mes sources. Si le rap est un satané soleil, le soleil son éclipse. Que je suis dans l'œil du cyclone, ça me donne de l'apocalypse. L'ordre n'est rémique, la concurrence est née. Il ne comprend pas, ne comprendra jamais le rouge et son lucre. Vivre en 80, arsenic le saumon. Je prends le microphone et Paris brûle comme ça dans mes gants. Dans mon secteur, je suis vecteur. Cannibale sectaire, plus bactère, vecteur. Plus manière cannibale, vecteur. Exterminateur, expert, tenace comme une gangrène. Je suis la menace des cités ou plus la mauvaise graine. Le frein schizo à la rime esquizo, micro sphère. Que je suis constant mais allergique à la kryptonite verte. Alerte, danger, danger. Tranché, fourmi, chef, viens manger, changer. L'histoire étrangère. Nègre au purgatoire, un étranger dans mon crâne et du métal dans ma poche. J'ai gagné au crochet, ça n'est comme la mort de foche. Sur une mélodie sinistre, un concerto, ma cadre affûtée comme un sabre. J'ai une joue, mes mots dansent la bégue. Je joue, la fin de la bête faux, sauve-toi, ouvre ta mon alcôve et ta satanée, t'es une guerre dans tes chambres de l'enfer. Ton va l'ambiance, qu'est plus que l'air, mon plus que l'air dans la brume. Je danse avec le diable, le clair de l'île. J'arrive et puis j'explose en une fraction de seconde. Ferme ta gueule, creuse ta tombe, la secteur A, c'est l'hécatombe. Je monte dans le tonnerre et je suis vénère comme guerrier Viet Cong, surgissant du Mekong. Parti, sonne le gong, tu le connais à la longue. Bling, pas d'ethnique, je renique sur le ring. Le numéro 6, année 1, double 9, 7, la pète et vise, ça fait d'artifice. Comme mon secteur A, je glisse dans l'orifice du rap en France, je fous ça sans vis. Et ce n'est plus gratis qu'au sur les pins, gros style, je pisse. Les nains, je rejoins dans la bringue et je tringue. Avec mes dingues, dans les mots, sur le cerveau, sont des tringles. Ma requête n'est pas des moines, monnaie, monnaie qui t'a enfreint. Cette année d'année, donnée, baiser en atteindre et en éteindre. Allez, laissez-nous rejoindre tout. Celle que l'on se plaît. T'as une bombe, j'arrive et puis j'explose en une fraction de seconde. Ferme ta gueule, creuse ta tombe, la secteur A c'est l'hécatombe. Je monte dans le tonnerre et je suis vénère comme King Kong. Pour le secteur A, arsenic. T'as une bombe, c'est la bonne de SI. Comme les bags, ils toquent gynéco. La secteur est nous-mêmes, n'est que le Neg Marron. Comme King Kong, est-ce que t'as bien saisi? 100% rap français, planète. La nocturne. Nocturne spécial ministère. Nègre de la pègre, c'est maintenant à écouter sur Skyrock. Pour entrer dans le vif du sujet, le mot de passe classe sera NB. Le premier nom sur la liste, YMOT. SP à double S. Bouillez les pistes de la PONICE. Dès les coups de minuit, c'est le couvre-feu pour le NEGRO. Nous met le Uno, celui qui relie le métro, boulot dodo, qui préfère être traqué toute la journée. Non, et se faire sucer toute la soirée. Ouais, il vivra 5, 6, 7 ans avec des tonnes de gens. Ah, c'est mieux que de vivre 75 ans comme un crevard. Dépendre du blanc, lui vendre son sang, mon sang, sans pitié. Je serai prêt à exploser. Appelez-moi le Nagasaki, j'atteins votre patrie. Des balles m'ont touché et ne m'ont pas blessé. Je suis nègre de la pègre pour l'éternité. La BNP m'appartient pour des nègres la pègre. Très bien, bonjour les rouages de l'État. Je tire dans le tas. Le plus RCA, c'est moi. Et alors, je brise les chaînes et les gaines quand les sirènes s'amènent. Pourquoi j'ai tant de haine? Négro, la France nous prend pour des cons. Elle sera le paillasson. La seule solution pour que tu t'intègres, c'est de faire partie des nègres de la paix. Ce est une arme maintenant, tu sais. Les nègres de la paix. À l'école, si tu t'accroches, tu toucheras le pactole. Un putain de boulot, un de ses bureaux. Après, j'ai constaté que les belles places sont réservées à ceux issus des milieux aisés. Du lycée Tarcelle à l'ENA, j'ai pas vu ça par ce chemin-là. Pas de lascar au Sénat, donc arme ta tête à l'école ou autrement. Je comprends pourquoi beaucoup ont lâché les bancs pour opérer parmi les autres grands produits. Fait bien fait, calculé sans trace. Pas d'empreinte de preuve ou même de paperasse. Digne d'un ex serein et d'un putain d'instinct. Travail sans vague, loin des balances. Des gros pour pas qu'on t'alpague. Bouge en silence comme un vrai. Nègre de la paix. Le savoir est une arme, maintenant tu sais. Les nègres de la paix. Poker, personne ne te file les règles. T'as beau faire tes prières, être universitaire ou presque millionnaire. Et même si t'as la paire, tu peux partir en couille comme une chatte. Tu mouilles, sois vigilant et rapide. Les rimes sont bien servies et coupées sur le bloc. Bleuzeur de mine, mon homme de main nique les platines comme un combien. Pas de coup de barre, hommage à Escobar. La vie c'est la caillasse, pétasse et laisser des traces. Des petits négros à flot. Le B, le O, le M, le grec, le B, le U, le G, le Z, le grec. Stomy Bugsy, la secte est avec moi. Abdoulaye en moi, la NP classe. Te lasse, t'embrasse, tu grimaces. T'as la chair, tu claques les fesses comme une pétasse sur la glace. On tue à la trace, pas besoin d'être 100 000 pour buter les volatiles. Mais là tu restes tranquille, me casse pas les yeux coups. Blague pas, non, blague pas avec nous. Je tire sur des zoulous et ça me rend fou. Arrête de spoiler, fini de ronfler. Toutes les races sont leur mafia. Pour moi, il n'y a que le nègre qui dort dans les ténèbres. Pour Marianne, Timal, t'es juste un cannibale. Elle te donnera nada, nada, rien et rien. Te mettra en chien, on est peu mais on en veut. Le M-I-N-I-S-T-E-R-E, de la P-E-G-R-E. La machine est enclenchée, il n'y a plus à chercher. N-P pour nègre de la paix. Savoir est une arme maintenant. Terre, de sorte de race, ceux qui prend les languisses et ceux qui brassent des liasses. Pour tous l'objectif est d'être au sommet, le bien et le mal, peu importe tout ce qu'ils font à l'Elysée. Bon, redescendant dans le circuit fermé, dans la rue où tu dois te débrouiller. À droite ça vend, à gauche ça vole, tout s'achète, tout se revole. Les jours sont longs quand t'as pas de pognon. Ah, quel coup bas il pourrait faire pour enfin devenir milliardaire. Au sommet dans la pègre, un putain de nègre. Bon, cette année c'est le stade où on monte de grade. On passe du simple braco au braco à scandale. L'argent, je sais où il passe, on s'installe. tac, tic tac, la tactique. C'est la tactique. Tic tac, tic tac, la tactique. C'est la tactique. Cette année, les miens vont investir comme des maîtres de la paix. Savoir est une arme maintenant. Côté qu'il faut regarder. Oh yes, papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami moi, mon ami. Ouais, ouais. Ah. Même après minuit, c'est gratuit pour les filles. Ouais, les guides, gynéco, bébé, des guns, des keufs, des histoires de Kaira. Mais comment veux-tu faire kiffer les teuras? Mauvaise Diana réapparaissait, c'était macho. Direct, la recrue suffirait. Elle et moi, nous sommes mariés. Je suis le pute sur lequel il faut parier. Mon calibre du gros gibier. Pour m'avoir, faut des balles pour s'engluer. Boum, boum. Ici y'a pas d'yo, juste des rats gonflés comme yo-yo qui bougent leur big panda, précieux comme un panda. Les mecs se mettent à bander, tout comme moi, Buzzy, combat du chromie, gynéco-histomie. À l'heure où mon secteur, ah, la chapelle, devient plus célèbre que Virgin, Sony et de la Belle. J'ai de la bonne maquette pour deux burtels, un peu pont, des balles à Hélène pour les houlettes. Oh yeah, ça papaya, ça vous dirait un escrime avec mon ami et moi pour les big bandas. Et les petits dharmas. Oh yeah, ça papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi pour les big bandas. Et les petits dharmas. La bugs and dog mob, alibi implacable, l'Afrique est cop. Toujours du beau boulot pour les boîtes, les radios, les salauds, en galop, le pouvoir au peuple, nos paroles font rock. Mais K.O. Kadila, c'est du dog gynéco. K.O. Kadila, c'est toujours au niveau. Stomy, à mes côtés depuis le début. Un nouveau son, Gabdoulaye passe en exclu. C'est pour les mecs en chien, les exclus. Je suis le Kung Fu Fighting. J'ai la fureur de vivre, mes pives, ils peuvent pas me saquer. Tokyo saqué, mes kata qui atta. Pas besoin de compter combien de danger, mais combien dedans je te fais cracher. Fini les conneries, sur ta meuf je rebondis. Oh yeah, ça papaya. Ça vous dirait un escrime avec mon ami et moi pour les big bonda et les petits dharmas. Oh yeah, ça papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi pour les big bonda et les petits dharmas. Dans ma rue, j'ai 100% sur mon trottoir. Madame Maigrette à 15% d'y croire. Un peu de saleté, de crasse et une 16. Voilà comment jouir de l'hospitalité française. Je suis nègre, juif et communiste. Allez leur dire, oh le pénis. Les macromac, le coin, pas de micmac. N'écoute pas les pingouins qui diront des blablabla. Bla bla. Le nez plein de rats, blabla. Bla. Pimpon, la banda, papon. Péfli sont mon nouveau couplet de boy, pay, oui ça me plaît. Les Brigitte, femme de flic à histoire, le seuf. Un uniforme, une top, la bœuf, des yeufs. Et je fais tourner à mes refs. La putain, I can go get ça. Oh yeah, ça papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi. Pour les big bouddha et les petits talma. Oh yeah, ça papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi. Pour les big bouddha et les petits talma. Papaya, ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi pour les big bonda et les petits talma. Oh yeah, ça papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi pour les big bonda et les petits talma. Oh yeah, ça papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi pour les big bonda et les petits talma. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami. Oh yeah, sa papaya. C'était bien. 100% rap français. Oh yeah, la nocturne. Brigitte, femme de flic, qui est dans la nocturne, 100% rap français du ministère. Aucune forme d'état ne peut stopper une chienne en route. Surtout pas quand c'est la pute à flic d'une brute. C'est-à-dire d'un flic de pute. Molly se fait que buter. Molly se fait sodomiser. Tout le monde dans le quartier n'a cessé de répéter. J'ai shooté la fille du shérif. J'ai usé toute ma boîte de préservatifs. À quatre pattes à l'air, elle me parlait de son père. Un bon commissaire, chef divisionnaire. Elle arrête le travers. Au début, le coup de la religieuse. Une seconde passée, l'arrêt des pipus. Et elle suçait les gros noirs, suçait les arts. Toujours du matin au soir. Malgré les degrés de danger, tête défoncée, déshonorée, déshonorée, dégagée de sa famille. Elle la veut, sa belle moi défoncera toutes les quilles. Pourtant, à mon île, personne ne fait la cour. On t'a rebours, 2 minutes pour la mettre à l'amour. Presse au cours, surtout pas son père, aux âmes de Cronenbourg. Il aurait préféré à ses doigts, danois, gaulois, un peu putois, avec une coupe d'Iroquois. Manque de peau, tire noir la foudroie, pour aspect son cocu. Si t'as les cheveux crépus, obligatoirement tu pues. Pour lui, blanc égale vin blanc, noir égale cauchemar. De sa vie, il en a marre, veut la caser comme un jeu, avec un coup de un bon sub bleu. Mais elle, qu'est-ce qu'elle veut? Une autre femme pour être raclée. Et cette fois-ci, elle s'appelle Brigitte. C'est la femme d'un flic, d'un policier. Ok, quand tard le soir, il patrouille. Montez, montez les grosses couilles. Tous les jeunes de la cité pour la sauter. Puis quand il rentre, il va se vanter d'attraper plein de petits noirs toute la journée. Mais elle, elle s'en fout, c'est bien fait niquer. C'est même déshabillé, mon semblable est armé. Pas comme son frustré, sans son fin. Une de la nage s'amuse à star qui est hush. Éclater la tâche. Prends les bêtes dans la chambre, c'est le écoute la baguette. Alors, m'en demande à Pansy, m'en demande aux novices, m'en demande à Kenzie. Faut pas un homme prénom, l'homme qu'on appelle Stormy Bugsy. Les novices du vice pissent sur la police, boum, c'est pas fait d'artifice. Crash sur le victoriste, crash sur toutes les varices. Marie-Milminato, c'est expéditrice, exécutrice. Brigitte, papa, elle est Mustang, la ventifrice. Oui, elle va être un mec qu'on appelle Misto. Avec ce qu'il fait, là où il faut stocko. Sortir un carreau, Brigitte, fin de flic, aime les négros. Chaud, chaud, dans sa culotte. Donc rebelote. Elle va acheter du pain, du vin et des carottes. Ça fait déjà 3h30 qu'elle est partie. Petit flic s'inquiète, enquête, prend la tête. Il est dépendant pour l'instant. Dans la VK, on les fait le camin sous le train. Paf, petit flic tire dans le dernier, personne est mort. Trop nerveux, il a tiré sur une queue. Mais elle, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'elle accumule des circules comme une nulle. Alors démontre, montre-nous comment tu l'encules. Épouse, sois des angelouses. Pourtant t'es mal, les mains et les pas à 12. Abuse, s'amuse, refuse. Lui s'occupe pour le son arquebus. Mais elle use de ruse pour kiffer. Vite fait, bien fait, avec le STB qui fuse. Pour souffler, obsédé. Je dois m'accommoder, me décommander. La tarauder, sur le bébé, la dénuder. Elle est blindée, bien décidée. Femme de condé, fille de quitter. Persuadée à me faire bander, à me vider. Prépare-toi à scander. Mais elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle est grosse, c'est dur.

Tant d'immigrés avec des papiers français. Pensez si on s'unissait, combien de mères nous suceraient, c'est forcé. Combien de potes et de portes on pousserait. Qui gagnerait, qui serait le tapis des cités, ou foncer. On aime danser avec le feu, réalité. On devrait piger, mais on traîne sur les bancs à cité. Mais pas de fraternité, c'est de la haine, pas d'unité. Trop de balles faire niquer, encore moins de citoyenneté. Ouais, c'est bien beau les belles paroles, les prières. Mais faut avouer, trop de nos frères, tout la de mais on devrait être dans le pays des droits, de la science et des sens. Mais trop de plaies non cicatrisées, trop de fences lancées de souffrance. Dégoulinant de suffisance et souffrance. Gluante, dans le tuileries, comment va ta santé? On sent mal. On parle, mais personne va voter. Hitler, c'était hier, ça sent le gaz, ça va péter. Autant dans nos communautés, on en a marre de nous. On serait trouvé plus efficace que lancer le pavé. On a nos avocats, nos journalistes, on devrait se rassembler. On a nos marmots, on a la marre, on rêve de liberté. Pourtant, dans nos quartiers, les mecs savent lever. On devrait s'armer de savoir et puis se faire fourrer. Bannir le camp, la pluie, imposer le respect, le tri. On devrait faire gaffe et pas se tromper d'ennemis. On devrait fermer nos gueules et agir. Regarde, ouais. Même entre nous, on se critique, on se cogne. On respecterait, on grogne. Marche à 20, ça pense qu'à bouffer, fumer, danser, chier. T'as eu peur quand t'as vu ta tête de porc apparaître. Tu me parles de guerre civile, ouais, certains doivent disparaître. Qu'est-ce que t'attends pour qu'on soit du même camp? Qu'on soit tous dans des camps, appelés camp, même camp. On devrait voir dans les cartables cette vérité qui fait mal. Sur les livres d'histoire, les peines, ficelles et scandales. Voir suinter le sang sous ton piédestal. La France aux Français, parlons de dette raciale. 500 signatures de putain de Nice au Havre. Sur la vue du maréchal Pétain, 5 millions de cadavres. En politique pour le fils d'étrangers, pas une prince sensée. Tous rangés, prêts à l'étrangler dans une bataille de tranchées. Avril 2002. Il y a une urgence. Pourtant dans nos communautés, on en a marre de bouser. On devrait trouver plus efficace que lancer le pavé. On a nos avocats, nos journalistes, on devrait se rassembler. On a nos marmots, on a la marre, on rêve de liberté. Pourtant dans nos quartiers, les mecs savent lever. On devrait s'armer de savoir et puis se faire fourrer. Bannir le camp, la pluie, imposer le respect, l'autrui. On devrait faire gaffe et pas se tromper d'ennemis. Imagine Austerlitz pour Auschwitz, la gare Saint-Lazare pour Salazar. Départ franco, ouais. Charter bourré de Lascar. Mère et gosse séparés par la flamme, c'est con et leur c'est pauvre. C'est vrai, trop de cons et qu'on devrait retenir les vraies leçons. Prêcher le vrai, ici c'est la guerre froide. Et face au front, nous confronts jusqu'au bled. L'intifada ne plus donner son fion. Ici c'est la gauche froide, la France est hypocrite. Folle politique colonique, elle assume ce dont elle hérite. Les miens vont voter pour les lofters. On dit que pour les afters, mais pas de carte d'électeur. Flicailles, juges, procureurs se tiennent la main et nous on se tire dessus, ouais. Putain de loi de la rue. Seule l'union fait la force pour resserrer les liens. Alors aux armes, aux urnes et même aux burnes, citoyens. Pourtant dans nos communautés, on en a marre de bouser. On devrait trouver plus efficace que lancer de pavé. On a nos avocats, nos journalistes, on devrait se rassembler. On a nos marmots, on a la marre, on rêve de liberté. Pourtant dans nos quartiers, les mecs savent lever. On devrait s'armer de savoir et puis se faire fourrer. Bannir le camp, la pluie, imposer le respect, le bruit. On devrait faire gaffe et pas se tromper d'ennemis. Pourtant dans nos communautés, on en a marre de lever. On devrait trouver plus efficace que lancer le pavé. On a nos avocats, nos journalistes, on devrait se rassembler. On a nos marmots, on a la marre, on rêve de liberté. Pourtant dans nos quartiers, les mecs savent lever. On devrait s'armer de savoir et puis se faire fourrer. Bannir le camp, la pluie, imposer le respect, le bruit. On devrait faire gaffe et pas se tromper d'ennemis. On devrait être respecté. Enfants oubliés, pardonnés. L'avenir est dans nos voix. M.A. M.A. Ministère Hammer qui a fait résonner lundi soir l'Olympia de Paris. Merci d'avoir été là avec nous pendant ces deux heures. Il y avait Stomy Passy qu'on salue encore, voilà, qui sont passés tout à l'heure dans la nocturne. Et puis la une heure de son classique avec des sons de Passy, des sons de Stomy, Gynéco aussi, Nirvana. Et on devrait, pour conclure, c'est dispo sur l'album Ministère Hammer qui vient d'être réédité, Les Meilleurs Dossiers. C'est un album où on trouve donc quelques inédits comme celui-ci, On devrait, ou bien Combien on est, avec les Negmarron et Arsenic, qui seront peut-être présents lundi soir à l'Olympia. Passez une bonne nuit, prochaine nocturne dans une semaine. Et dès lundi, Planète Rap 2021. Ciao. Skyrock, Rap R&B non-stop, yeah. Rap R&B en premier.